Bonjour à tous et bienvenue sur Freeze Radio pour la dernière émission. Je suis en compagnie de Cusco et de Logan. Oui, c'est moi Cusco et bien joué. Bonjour. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Alors, bienvenue. Vous connaissez bien sûr Freeze Radio. Mais c'est la dernière émission. C'est la dernière la dernière des dernières. Ouais. Et. Pour le meilleur et pour le pire. Ta gueule. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour plein de trucs. Tout d'abord, là, dès le début, là, on commence d'entrée. On essaie d'appeler des gens pour faire des exercices de physique. Parce que là, on essaie de faire des exercices de physique que j'ai. Et on comprend rien. Donc on s'est dit, 3,5 hein, sur 20. ta gueule. Et on essaie de voir des gens pour. Parce qu'en fait, je dois faire la correction d'un contrôle où j'ai eu 3,5. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Et qu'est-ce qu'on peut appeler Ne comment? suivez pas notre exemple. Chaussures, tiens, un magasin de chaussures. Oui, bah oui, c'est clair, le vendeur de chaussures, il va t'aider pour la Ben ouais, parce physique, qu'ils hein, ça s'y c'est connaissent en sûr. pointure et tout, je sais pas. Mais, ouais, alors, ouais, bien sûr. je vous retourne dans la question. Si quelqu'un sort du 42, vas-y, dis. Non, mais ce magasin, on ferait mieux d'appeler des gens en particulier, quoi. Non? Non, moi je pense Non. pas. Parce que les particuliers, on va pas les faire chier, ils voudront pas. Bon, on appelle un magasin de chaussures, alors? À Paris. Magasin de Mais vous chaussures. êtes fou d'appeler un magasin de chaussures. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, oh, je sais pas, Ouais, je c'est ça. cherche. C'est toi qui Ouais, as voulu c'est toi. l'appeler. Mais alors, qu'est-ce que j'appelle? Vous m'avez dit oui, ok. Poissonnerie. Poisson. Faut un truc qui a rien à voir. Poissonnerie. Vas-y. Un Ou on s'en coiffeur, fout. non? Ouais. Oh. Oh putain, les Voilà. coiffeurs, ils sont fins. Esthéticienne. Bonjour, esthéticienne. Ah oui, j'ai un exercice de physique. Oh putain. Pan. Chaussures, apparemment. Chaussures, Méric. Méric. Vas-y, appelle. Vas-y, il est Homme, où ton dame, portable? confort, pied. Comment ça, zéro, hein? Ben, c'est Paris. Ouais, c'est Paris. Paris, c'est zéro. Ça va pas Eh faire ouais. plus cher et Non, tout? non, Non, mais je te non. jure, voilà. Je te jure sur voilà. Ben oui, on a le droit. Fuck. Mets-toi 4 coups de fouet. Ah, c'est Bon, parce que allez. celui-là, il a beau 4, il fait mal. Bon, après, on En tout cas, essaiera ils vendent des pendant trucs pas que. beaux, hein. Il y a des sabots Mais bizarres. c'est notre pub, ça n'a rien à voir. Ouais, ok. D'accord. Mais aussi, on essaiera d'appeler des J'appelle, hein. coiffeurs pour vite, je parle vite. C'est On toi. essaiera d'appeler des coiffeurs T'arrives. pour se faire épiler les dessous de bras, enfin pour se faire coiffer les dessous de bras et on fera aussi un blind test. Oh, le bruit de téléphone bizarre qui donne direct envie de raccrocher. Oui, bonjour. Je suis bien chez Chaussures Méric. Voilà, alors c'est assez gênant, je vous appelle pour un exercice de physique chimie. Vous connaissez la physique chimie ou pas? Pardon? Est-ce que vous êtes forte en physique chimie? En physique chimie? Ouais, parce que j'ai un exercice à faire, donc je me suis dit peut-être vous m'aideriez et tout, comme je connais votre magasin un peu. Comme vous connaissez mon magasin, Ouais, je connais donc votre je vous magasin, j'ai acheté des aiderai en baskets. physique chimie. Non, je suis pas très forte. Bah alors, je vous donne l'exercice. Je suis forte en chaussures, mais pas en physique chimie. Ah, mais j'ai pas d'exercice de chaussures, madame. Donc, je donne un exercice, c'est. Alors, combien vous faites un nanolitre en picolitre? Non, mais attendez, excusez-moi, mais je suis pas professeur, hein, je suis vendeuse en Ben non, parce que chaussures. si vous étiez professeur, je vous rappelais Au directement. Et là, j'ai appelé d'autres magasins de chaussures. Donc, un nanolitre en picolitre, madame. revoir. Je ne sais pas. Oh, madame, vous m'aidez pas. Allez, au revoir, je Non, vous s'il dis vous au plaît, madame. plaisir. Non. Un nanolitre. Madame, c'est facile. Madame? Vous connaissez votre tableau de conversion, madame? Vous avez eu votre bac? Oh là La là. réponse était deux. Madame. Bon, c'est bon, on raccroche, hein. Elle est morte. De toute façon, elle a fait un cardiaque, Elle a là. fait une crise. Bon, on va appeler un poissonnier. Les poissonniers, ils sont bien. Oh, on va te faire enculer. Pas à Paris, Oh, merde! apparemment. Non, mais du poisson à Paris? Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à. Attends, c'est quoi ça? Déjà, j'arrive même pas à lire la consigne. Mais 1 quoi? centimètre en. C'est un. Convertir en justifiant. C'est en millilitres. C'est millilitres, c'est ça? Ouais. 1 centimètre cube en millilitres. Vas-y, appelle poissonnerie du bac. C'est à Paris toujours, hein. Comment ils arrivent à vendre des poissons à Paris s'ils n'ont pas la mer à côté, je pense. Ben oui. Dégueulasse. Bon, c'est toujours moi ou vous rigolez trop, vous Ah, c'est voulez. du poisson faux. C'est du faux poisson. Poisson plastique. Poissonnerie ou là? Putain, je vais me faire enculer, je vais me faire violemment insulter quoi. Poissonnerie. Tu vas Mais se faire non, regarde, enculer. poissonnerie du bac. C'est génial. Vous avez eu votre bac. Bien, je vais faire ça, je vais faire Ouais, ça. c'est Je vais ça. dire ça. Poissonnerie. Faudrait qu'on fasse tous les deux alors. Tu veux pas le faire avec moi? Allez. C'est parti. Allez, Darius et Cusco. Tu t'appelles pas en numéro masqué depuis tout à l'heure, j'ai remarqué. Si, si. Poissonnerie du bac, bonjour. Voilà, bonjour madame, je vous appelle comme vous avez bac dans votre nom. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bac dans votre nom. Ben faut peut-être ouvrir les oreilles. Allô? Oui, voilà, bonjour, je vous appelle, madame. Comme j'ai vu qu'il y avait bac dans votre nom, je me suis dit, peut-être qu'ils vont m'aider pour mon exercice de physique chimie. J'entends rien du tout, rappelez-moi. Ouais, d'accord. Bon, alors, vous avez une sourde oreille. Pas grand chose. Mais c'est leur faute à eux si on n'entendait rien. Il y a un mec derrière, il était en train de déménager tout le magasin. Ouais. Il y a un mec derrière, on savait pas s'il pissait d'une force extrême. Voilà. Il y avait un Karcher, le mec. Ça faisait. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. C'est une poissonnerie, le truc. C'est une poissonnerie, il y avait des bruits de déménageurs. Alors. Voilà. Putain, personne va m'aider pour l'exercice du chimie, alors c'est chiant. Mais si, t'inquiète. C'est de la physique ou c'est de la chimie d'ailleurs ? Ça, c'est poissonnerie, de la physique, c'est de la physique. Tiens ça, à Lyon. Vianney. Oh. Comme j'ai été à Lyon, je peux vous dire. D'ailleurs, j'ai été à Lyon. Ouais. C'est à Lyon, à Marseille, tout le monde fait du skate. Ouais. Bah, à Lyon, ils font tous de la trottinette. C'est leur bon truc à eux. Tu vois comment ? J'y vais en trottinette. Backfield du trottinette. Backfield de la trotte. Trotte. T'imagines ? Là, c'est... Oh, j'ai pris ma board. J'ai laissé ma board et là, c'est ma trotte. Ouais, j'ai pris ma trotte. Quoi ? Ils ont le jingle et tout, c'est des vrais. Hein. Quel horreur. C'est le mec. Il est nul, votre sonnerie, hein. Ah, il te l'a remis, tiens, dans ta gueule. Il joue à côté avec l'accordéon, en fait. Non, non, non, non. Comme il a une mauvaise collection, ça coupe. Il joue avec l'accordéon, en fait. Ah, il a raccroché, j'ai entendu, il s'est vexé. Il s'est entendu. Il s'est vexé. Il s'est entendu. Tiens, là, il est en train de décrocher, c'est la merde, votre musique et tout. Tiens, lui. Durant Joanie ou Joanie. Ouais, Joanie. Ouais. Joanie, ça m'a l'air d'être un beau winner. J'aimerais bien qu'on m'aide à faire un exercice des trucs. Quoi. On peut pas être solidaire et tout, je sais pas. Bande de bâtards. C'est vrai. C'est vraiment injuste. Et soi-disant, solidarité. Hein. Ouais, voilà. LOL. Plus, ce qu'on dit sur les... D'ailleurs, il n'y a pas une ville où on dit qu'ils sont super sympas et tout. Je vais appeler... Viens, on appelle des particuliers. Une ville réputée. Attends, on est samedi, ils vont décrocher, faut pas ouais, déconner. Merde. Un avis, tiens. Fuck you, man. Merci pour l'exercice. Durand, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien chez... Je suis bien à la poissonnerie. Allô. Oui. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, voilà. Voilà, je vous appelais, madame, parce qu'en fait, j'ai un exercice de physique. Donc, je me suis dit, peut-être que vous alliez m'aider. Vous avez l'air gentil, en plus. Je vous entends très, très mal. Essayez voilà. De me rappeler, je vous entends très mal. C'est la cousine de l'autre. C'est de famille, mais ton haut-parleur il est bizarre en fait. Mais c'est ta sœur ou quoi? Vas-y, va prendre mon téléphone Arthur, je suis sûr qu'on entend mieux. Ok. Mon téléphone en moi c'est un vrai téléphone. Tiens, c'est. Je me souviens pas quand on faisait la radio, on entendait rien avec ton téléphone aussi. Mais non, t'inquiète, ça va y aller. Parce que je vais parler fort en fait. C'est quoi, dièse 31 dièse pour masquer le numéro? Ouais. Société pupier. Ouais, voilà. On... Quoi? Pupier, oui, voilà. Pue des pieds. C'est la blague c'était nul, inévitable. C'était nul. Non, c'était la blague ouais, inévitable. Ouais, voilà, voilà. Désolé, il fallait bien que quelqu'un la sorte, c'était moi. Je sais pas. Vas-y. Si j'ai beaucoup de forfaits, en fait. Je me demande si j'ai fait le bon numéro. Moi, zéro. Vas-y. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà, le haut-parleur. Attends, il faudrait qu'il décroche. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Quel biatch. Comment on entend trop bien. Mais non, t'as pas compris. En fait, il y avait un problème. Bon, allez, bouge pas. Dernier essai. On va essayer avec le portable. Ouais, puis après, on s'écoute une musique. Ouais. Putain, voilà. Mais ça m'énerve. Y'a personne qui veut m'aider pour mon exercice de physique. Ça fait vraiment chier. Non, c'est que les trois quarts, ils entendent rien. T'inquiète. Tiens, on a pas vraiment beaucoup de moyens dans notre alors, studio à nous. Ouais. Tu veux rappeler le même? Ouais. Bah ouais, comme ça, on sait qu'il décroche. Vas-y. Il est bon ton haut-parleur ou pas? Ouais, normalement. Normalement. Si tout se passe bien. Allez, vas-y, appelle. C'est moi, hein, toujours. Donc, je prends quoi? 1 cm cube en millilitres. Bien chiant, le truc. Oh non, j'ai été bien parti. Poissonnerie Pupier, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, madame, je vous appelle par rapport à un exercice de physique. Par rapport à? Un exercice de physique. Je me suis dit, poissonnerie, physique, non, vous... Non. Alors, voilà, 1 cm cube en millilitres. Non, ben, on ne peut pas répondre à ce genre de question, non. En millilitres. De maths. Non, c'est de la physique. Ouais, ah, vous êtes forte en maths. C'est une poissonnerie ici. Hein. Vous êtes forte. Allez, au revoir. Vous êtes forte en maths parce... Mais on a aussi des exercices de maths, madame. Elle a dit maths, c'est ça? Ouais. Mais on la rappelle. Prof de maths. Mais on la rappelle, on la rappelle. J'ai un exercice de maths aussi. J'ai un rappel, j'ai des exercices de maths aussi. On la rappelle ou pas? Attends, il faudrait mon livre. Ah ouais, on va la rappeler, on va bien la faire chier. T'as pas un qui sait qu'un. Moi j'ai plus le temps les mecs. Ah ouais? Ouais. Mais on t'en bien. Si on change des cartes ici. Il vous reste 3 euros. Bah oui, ouais, mais il faut qu'il y ait. Tu sais qui toi? Je trouve plus mon livre de maths. Oui. Il est débloqué ou pas ton portable? Non. Ah. C'est merdique, Bouygues. Si, mon portable est débloqué. Bah voilà. Bon alors. 100 euros. back in the club with the party. There's on side to side, side to side. Bon, on va se l'écouter tout à l'heure. Voilà. Bon, ben on va s'écouter même maintenant, je pense. Hein. Ouais, le temps que je trouve mon livre de maths, et puis on se retrouve après pour quelqu'un. Ouais. On va appeler la même poissonnerie pour qu'elle me fasse des exercices de maths. Mes exercices de maths, voilà. C'est super cool parce que j'en ai aussi. Donc, on se retrouve juste après ça, Usher, DJ Golos Falling in Love. On espère que vous avez passé Again. Une super bonne Again. Partie, première partie. On se retrouve juste après. On appellera aussi des coiffeurs pour savoir s'ils peuvent nous épiler, pour nous coiffer les dessous de bras, pardon. Et puis on fera le blind test et les phobies bizarres aussi. Voilà. Ouais, phobies bizarres. On se retrouve cool. juste après ça. Allez. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. It's a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight it's just me and you, darling. De retour sur Freeze Radio. Donc on va appeler quelqu'un pour qu'il nous aide à faire des exercices de maths, mais de géométrie, bien chiant. Ou alors développer réduire. Développer réduire, c'est très chiant aussi. C'est très chiant, ouais. Il faudrait qu'on appelle des gens. Donc nous allons appeler des gens. Putain. Mais il faudrait vraiment qu'on m'aide. Oh, moi je faisais ça. Ah, c'est quoi? Ouais, ça. Intersection, union. Ouais, non. Ah ouais, je l'ai fait ça aussi. C'est bien chiant. Oh putain, attends. Oh voilà. Ah, développé. Bah, c'est des faciles un peu quoi. Ouais. Non, on va pas casser les couilles. C'est la merde ça. Allez, c'est parti. Attends, okay, je te redonne le même numéro. Donc, on va appeler la même femme qui nous avait dit qu'elle était forte en maths, mais pas en physique. Ouais. Pour bien casser les couilles, bien fort. Allô, madame. Enfin, j'ai dit que j'étais fort en maths. Génial. J'ai pris mon livre de maths. Parce que j'ai d'exercices de maths, qu'est-ce qu'il y a à faire? 60. En vrai, j'appelle quelqu'un, ils me disent bonjour et je fais merci comme tel. Bonjour. Mmh. Merci. Attends, je vais faire un truc bien chiant. Dégueulasse, putain. Va cracher. Ouais, ça aurait été pied, bonjour. Oui, c'est moi. C'est pour les exercices de maths. Non, mais ça va pas faire ça. Mais vous m'aviez dit que j'étais forte en maths alors. Vous m'aviez dit que j'étais forte. Mais j'ai pas dit. Si t'as que ça à faire, moi je suis au travail là, ok? Mais moi on est où? Je travaille là. Alors. C'est con, va. Ouais. Deux zigs, c'est ça. Comment tu me parles, biatch? Je la rappelle. Je dirais, je fais deux zigs plus. Non, on va changer, moi. Si. Tu la rappelles. Ah, tu la rappelles, toi? Ouais. Non, c'est bon, laisse-moi. Si, 04, 78. Tu parles toi? 62. Tu m'as pas 37, 26. Tu parles toi, hein? Mais tu fais une autre personne alors? Non. Tu fais j'ai un ami qui m'a dit qu'on pouvait. Dis ça, tu dis. J'ai un ami qui m'a dit qu'on pouvait vous appeler pour les exercices de maths. Dis ça. T'es con. Oh, le volume il est pas au max. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Désolé, j'ai oublié de mettre l'interphone. Tu arriveras pas. En plus, c'est son mari qui est venu répondre, donc si c'était nous, on se faisait défoncer la gueule. Oh, tu t'empêches tout, j'ai niqué. J'habite pas chez toi. Très loin. Tu sais pas. Ah, t'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on peut appeler qui est en rapport avec les maths? Tu fais un métier ou qui est toujours en rapport architecte. Avec les maths? Non. Si. Non. Architecte, le mec, il le fait, hein. Attends. Mais non, parce qu'architecte, on va toujours tomber sur la secrétaire. Oh. Ben ouais, caissière. Parce qu'ils vont toujours. Mais non, mais caissière. Mais attends, caissière. Oh, mais coiffeur, non. Parce qu'il y a le truc des cheveux et tout, on appelle la coiffeur. Oui. Alice. Ah oui, le truc des cheveux, ça. Non, non, on le fera tout à l'heure avec. Non, pas commissariat quand même, pas, faut pas déconner. Mais... Ikea, non. Bonjour, Ikea. Bonjour. Vous savez lire les codes barres? Vous êtes 4x au carré. Vous êtes format, vous savez lire les codes barres. Non, allez, faut appeler un truc complètement fou. Un truc de fou. Oh, une station service. Ouais. Ils ont des numéros station service ou pas? Oui, bonjour, on sait que vous êtes en pénurie, mais on vous appelle pas pour ça, on s'en fout. JDM, allez. JDM? Je parle moi. Hein. Jean-Daniel Marle. Jean-Daniel Marc. Putain, il a dû souffrir. Le mec, il a que des prénoms. Jean-Daniel, je t'appelle comment? Tu m'appelles Jean-Daniel Marc. Il veut faire un diminutif, il fait JDMI. Tu m'appelles JDMI. Moi, c'est JDMI. J'ai demain. J'ai demain. Appelle-moi, j'ai demain. C'est qui j'ai demain? Oui, Jean-Marc, Daniel, Marc. Je vais au chiot. Ok, ça va, c'est bon. Je pense que les auditeurs ont tous entendu tellement chiot. Tu réponds à la JDM. JDM, faut pas taper. JDM. JDM. Ah, il l'a mis dans son slip. Attends, on laisse un message. Tu veux qu'on laisse un message? Je sais pas. En tout cas, le temps de communication est facturé. Bah alors, raccroche vite. Mon dieu, tu as failli payer. Quelle horreur. J'ai déjà payé. Oh, relais de l'aéroport. Relais de la... De l'aéroport, ouais. Ok, relais de l'aéroport. Oui, alors... Oui, bonjour, c'est le relais de l'aéroport. Oui, c'est les exercices de maths. Oh putain, va te faire. J'ai trop dû l'appeler et dire, mon ami, il a dit que vous étiez pour les exercices de maths. Mon ami, il m'a dit que vous lui avez fait son DM, alors. On peut pas me faire le mien. Attends. Ah, pas de décrossassage. Ça va. C'est l'eau parlant. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis du Niagara. Personne. Si, il y a quelqu'un. Voilà. Je suis bien à la station service de l'aéroport. Oui. Voilà, alors je vous appelle par rapport, comme vous êtes dans l'avion et tout, je sais pas, aéroport. Je vous appelle par rapport à un exercice de maths. De quoi? De maths, développer, réduire, vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Alors voilà, je t'explique. Donc, vous connaissez le... Allô. Les identités remarquables, vous connaissez ou pas? Par exemple, si je vous donne. J'entends mal, monsieur. Est-ce que vous connaissez les identités remarquables, madame? Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous demandez, là? Je vais vous demander de m'aider pour l'exercice de maths. Donc voilà, alors. De quoi? Vous êtes en train de dire des conneries, là, non? Pas du tout. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire. X moins 3. Ah, bon, écoutez, X moins 3 au carré, madame. X moins 3 au carré. Hé bon, hey. Elle a pas fait. Elle a pas fait la. Jamais au début, y'a personne, si y'a personne. Eh, hey, mais y'a personne! Si y'a quelqu'un. Non, y'a personne. Et tu raccroches, toi. Je la rappelle ou pas? Non, c'est bon. On devrait rappeler les mêmes en fait. C'est bien chiant ça. Allez, Stadag. Station Bocanegra. Non, non, Stadag. T'as un peu ah, ouais, combien? Il reste deux forfaits. Vas-y. So we're back in the club. Oh, après, on va s'écouter Bruno Mars, Just the Way You Are. Je vous le dis comme ça. Bruno Mars, Just the Way. Aussi, on fera les phobies. Tiens, on va enchaîner tout à l'heure avec les phobies. Ouais, parce que les phobies, ça déchire sa moule. Waouh, wow. Ça c'était ouais. Du. Ça, c'était... Wesh. Ça c'était du freestyle. Wesh, les jeunes. Oh, puis je kiffais la vibe, grave. Ça oui. Déchire sa rhum. Ah, ils disent rhum. T'as vu, y'en a qui disent rhum pour dire merde. Ouais. Non, y'en a d'autres qui disent daron. C'est ceux qui font que parler en verlan, ça me fait chier. Genre, c'est ça trop. C'est trop chambé, quoi. T'es trop chambé, wesh, t'abord. C'est quoi chambé, ça veut dire? Méchant. Oh, bravo. C'est bon? C'est bon. Attends, c'est quoi? Dis-toi, waouh. Ok. Ça n'appelle pas. J'appelle qui? Ah, station Boca... Parle comme à la... Boca Negra. Non, non, je vais parler en verlan. Allo, gachant. Je vais parler en verlan. Allo, ma wesh. C'est pour des exercices de métamat. Comment on dit métamat? De théma. De théma. Théma, la bonne mère, vas-y, ça va. Oh, vas-y, si elle commence à m'engueuler, je l'engueule aussi. Hein. Ouais, comme ouais. Ça, on s'engueule. C'est quoi, comment ça? Arrêtez de débrancher mon ordinateur. C'est lui, il s'est débranché tout seul et tout. Comme putain, ça se trouve, depuis tout à l'heure, ça coupe ce qu'on dit en fait. On se prend des vents. Ça appelle là ouais. Attends, j'en prends un bien en fait. Oula, ça fait peur. C'est le facteur de 1 tiers d'x plus 1, le tout, moins 12x. C'est trop dur. Attends, je prends celui-là. 4x moins 3 au carré, moins x plus 2 au carré. Faut que je dise qu'il y a des racines carrées, des parenthèses aussi. Ouais. Oh, j'ai des racines carrées. Bonjour. Oh, on va te faire sodomiser par un babouin, hein, c'est bon. Oh là là. C'est ta nouvelle expression, ça. Ah ouais, c'est ma nouvelle expression. Oh, arrêtez de toucher ordinateur. Allez. Allez, on est chaud, les mecs. On est chaud. Je vais mettre la musique qui nous met directement dans le mode. Ouais. Attends, je vais appeler un mec, je vais appeler comme ça. Salut. À la Stallone. Olé. Ça va bien. Sinon, si Audrey, tu fais. Ah putain. Non non, sérieux, le mec il t'appelle et toi tu réponds, tu fais hola. Hola chica. Non, t'as vu, tu fais j'ai trop fumé. Ou alors je veux réviser un dialogue en espagnol et je dis alors, vous allez me répondre. Hola chica, ¿cómo está la mi? Elle va dire quoi? Non mais faudrait des petits vieux. Viens, faut rappeler les mêmes, je te dis. OK. T'as appelé quoi là? Viens, rappelle. Attends, c'était quoi déjà? Pupier. Non, non, eux ils nous attendaient, ils vont dire oh putain, je vais te défoncer! Bah et alors? Non, tant mieux. Bon. Garage. Ah oui, un garagiste, le mec il a même pas son. Oh oh! On a peut-être des amis garagistes qui nous écoutent. Oui. Donc, respect pour ces gens qui font un métier très bien. Je respecte beaucoup les garagistes. Parce que sans eux, on ne serait rien. Voilà. Ah, voilà. Voilà! Motrio carrosserie! Ouais, c'est bon. Vas-y, appelle ça. Alors, faut que je dise ça en verlan. Trio Mo! Roca série, Gano Reno. Il va te faire sodomiser par un babouin. Attention, mesdames et messieurs. Je suis chaud là. Attends, je vais mettre la musique de fond qui me chauffe. Ouais, vas-y. Bonjour, vous êtes bien dans la carrosserie Garnet. Ouais, salut, ça va? C'est vraiment. Attends, vas-y, je vais ce message. Merci pour votre appel, à bientôt. C'était le répondeur. Ah, ouais, moi on dit jamais rien, moi. C'était le répondeur. Mais moins fort. Vas-y, ajuste le son, au moins ça fait un peu musique de tiens. Fond. Mais il n'y a pas les horaires d'ouverture, en fait, on est trop des cons depuis tout à l'heure. Mais non, parce que le garage s'est fermé le week-end. Bon allez, on essaie, putain, ils veulent pas. Bon, on réessayera tout à l'heure. Tout de suite, on va parler des genre un truc, genre une patinoire. Ben, prends des numéros et nous, on va parler des phobies bizarres. Monsieur, bonjour. Nous allons parler des phobies bizarres. Mais ça marche. Ouais. Alors lève-toi, je prends l'ordinateur. Bah non, mais vas-y, tu le prends pas parce que j'ai besoin de l'ordinateur. Et je prends comment les numéros? Mais non, Alain, quand il est dans un studio, on a plein d'ordi. Ah ben oui. Alors je prends lui. Vas-y, vas-y, tape. Mais on va t'entendre taper sur le clavier. On le fera pendant la pub. Je tape doucement. Vous êtes prêts? Donc les phobies les plus bizarres. Pub. Donc direct. Acnophobie, la peur de l'acné. Oh là là. Puissant. Puissant. C'est le truc de fou en fait, le mec. Il fait. Oh putain, j'ai un bouton. Le mec fait. J'ai un bouton. Mais le mec, comment il fait non, pour se cacher? Non, attends, attends. Le mec, comment il fait s'il a un bouton pour se cacher du bouton? Le mec fait, oh, t'as un bouton. Non, c'est pas vrai. J'ai une piqûre dans mon stylet. Ouais, c'est un bouton. Bouton de moustique. Non. Attends, regarde ça, écoute ça. Parophobie, peur des rapports sexuels. Là, on va aller voir. Parophobe. Oh, peut-être qu'on pourrait monter dans la chambre et tout. Non, non, non, non, pas. Mais on ira faire le ménage. Ah. Tiens, tu me montres prendre un café? Non, j'aime pas le café. Mec tombe sur un film porno, il fait ah. Attends, le mieux c'est ça, c'est saccharophobie, peur du sucre. Hein? Pauvre biorésie. Peur du sucre, le truc. Mais alors, t'es niqué parce qu'il y a du sucre partout en fait. Ouais. T'imagines, le mec il peut pas rentrer dans une pâtisserie, il fait. Sérieux, mec. Où est le seul endroit où tu veux pas te retrouver sur Terre? Une la gourmandise. Ah, t'imagines. Ah, bah alors, le mec il a jamais des problèmes avec les pédophiles. Alors, le mec il fait. Eh, petit, tu veux un bonbon? Ouais. Non. Attends, attends, aussi j'avais trouvé peur de respirer aussi, mais alors là c'est non, improbable. Non, ouais, non, c'est. Fait, ah, faut pas que je respire, ah, faut pas que je respire. Imagine, le mec il devient tout rouge, mais qu'est-ce que tu fais? Le truc de fou. Attends, après ça. Après, sinophobie, peur de l'immersion des Chinois. L'aversion des Chinois. C'est quoi? C'est-à-dire que les Chinois ils envoient le monde, ils envahissent le monde en fait. Ah. Selon la tous en fait. Oui, ils sont, ouais, voilà. Oh, ouais, les Chinois qui nous écoutent, s'il te plaît. Soit là, le mec il a plus peur des films porno, il a peur des films de Jackie Chan en fait, le mec. Et de Bruce Lee. Alors le truc de fou, j'étais mort de rire quand je dis déjà. Eltotridécatoblulophobie. Eltotridécatoblulophobie. Attention. Phobie. Peur d'être très à table. Putain. La peur de merde. Genre le mec il veut inviter 12, 13 amis, 12 amis à la maison et d'un coup il fait ah non ça peut être possible parce que. Parce qu'on est 13 et j'ai peur. Oh putain. Ne t'assois pas là Jean-Marc. Mais là, il fait, Jean-Marc, tu mangeras à part parce que tu manges à côté du chien. Sors de chez moi. Jean-Marc, tu bouffes dans le jardin. Mais pourquoi ça? Non, c'est comme ça. Voilà. Attends, attends. Le truc de fou. Le truc aussi, le pire que peur de respirer, héliophobie, peur du soleil. Voilà. Donc. Voilà. Donc ça, cette peur du on soleil. Peut rien dire, hein. Eh ben. Il faudrait que tu vives sous un parapluie ou un parasol. Oh, sérieux, le mec sort pas de chez lui. Bah si, mais avec un parasol. En mode crème solaire. Il veut manger un truc en fait, il commande en fait. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a inventé les sushis à domicile. De commander, il mange pas, il mange pas en parlant de commander, oh, tu te souviens les pizzas, j'ai dit. Ah putain. Putain, on a fait toutes les pizzerias de Marseille. Pourquoi il n'y a aucune pizzeria qui est ouverte de midi à 14h? D'ailleurs, on va appeler les pizzerias, on va dire. Pourquoi t'es pas ouvert? Tu te rappelles? Pizza le 26. Non. C'était pizza rock'n'roll, un truc comme ben ça. On les a appelés, ils sont fermés. Bon, attention, ça s'est fini attends, on continue, Carrefour et pizza à 4h. Attends. Chronomantophobie, peur des horloges. T'imagines le mec dès qu'il entend tchik, tchik, tchik. C'est le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet. Non, non, non, le pire. Il va à Disneyland, il dit hey, on va voir tic et tac. T'as compris, il a fait non. Après, il y a ça. Space Mountain. Qu'est-ce qu'il mais c'est grave en fait, peur des horloges. Le pire, c'est peur des horloges, peur de respirer, peur du soleil. Comment ils font? Peur des rapports sexuels, c'est puissant aussi. Hein. Le mec, ouais. J'imagine le mec qui bouffe des saucisses. Il fait ah, je peux pas. Ouais, ça y est, ça a peur des saucisses. Non. Oh, tiens, scatophobie, peur des excréments. J'ai peur du caca. Le mec, il retourne aux toilettes, il se retourne, il fait le mec, il ne regarde jamais dans les chiottes en tirant la chasse. Ah, quel horreur. Le mec il a peur, mais ces mecs ils sont vachement constipés, non? Ouais, voilà. Attends, le truc le plus bizarre du monde, vous êtes prêts? Mais en fait, c'est une phobie qu'on a tous, en fait, ça nous dégoûte tous. Vas-y. Un peu. Mais bon, cubiculacétophobie, peur que des lézards tombent sur le lit. Ouais, enfin, en fait, c'est des peurs vachement précises, hein. C'est genre peur qu'une pièce de 20 centimes tombe par terre. Tu vois? Genre peur que le soleil s'aligne devant Neptune et tout, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais peur que des lézards tombent sur le lit. Mais c'est du vécu, alors, le mec. Ouais. Tu vois, les phobies, c'est peur. C'est dû à un truc qu'on a vécu. Oh. Bah, tu imagines le mec qui a peur d'un rapport sexuel, il a dû vraiment mal tourner. le mec qui a peur de l'acné, il a dû avoir un gros bouton sur la gueule pendant 15 semaines et tout. Il a dit j'en ai peur de toute ma vie. Le mec, il prend tous les traitements possibles sur les boutons, il s'en étale sur la gueule. Parlant de ça, moi j'ai Differin maintenant. Ah ouais, ouais. J'avais ça aussi avant. Ouais, c'est génial. Je pense à Chirac maintenant. Pourquoi? Non, pour rien, je sais pas. Parce qu'il a un gros bouton Chirac entre le nez et la bouche. Voilà. Cucurbiophobie, peur des concombres et cornichons et melons. Il rigole comme un con tout seul. T'as pris des numéros de téléphone, Logan, ou pas? Tu veux que je fasse comment? T'es sur l'ordi tout à l'heure, tu me dis non. Il les a pris, mais ça s'est effacé. J'en avais besoin de ça, t'as écrit dessus. Mais non, je vais mourir. C'est mon bulletin. Bon, tranquille, c'est mon bulletin. Alors attends. Bon. Alors attends. Après, il y a. Phobophobie, peur. Peur de la peur. Moi, j'en étais sûr. Tu connais? Mais non, phobophobie. Soyons logiques. J'y avais. Peur d'avoir peur. Tu imagines? Oh non, j'ai peur d'avoir peur. Tu imagines? Ben ça, ça veut dire que tu vas pas voir des films d'horreur. Oh putain. Attends. Ok, d'accord. On verra après. On vous le dira après la pub. Ouais. Après, il y a après, la musique. Alectorophobie, peur du poulet. Oh putain! Non, pas la poule! Le mec, il peut pas voir les flics! Ouais, aussi, ouais. Après, oh, j'avais trouvé un truc, mais je pense pas que ce soit vrai. C'était célidiophobie, peur d'être, de voir des Céline Dion partout. Non. C'est... Non, ça, je pense pas que ce soit vrai. Prenez la topophobie aussi. Galophobie. Après, Nico, il y avait Sarkozy. Alors, ça, j'ai pas compris. Bah, on s'en fout. Quelle voilà, c'était toutes les phobies bizarres. Allez, on va s'écouter de musique. Bruno Mars, Just the Way You Are. Ouais. Ne bougez pas, on revient, on va appeler des dentistes. Exact. Pour les exercices de physique. Et attendez, et si vous voulez déprimer sérieusement tout seul, écoutez Just the Way You Are de Bruno Mars. Pourquoi? Parce que croyez-moi, ça marche. C'est du vécu, les amis. Vous suicidez pas, hein, on va revenir. Ouais. Hein. Ouais. Allez, bougez pas, on arrive tout de suite. Allez, ciao. Ciao. Tout de suite. C'est quoi la chanson déjà? Just the Way You Are de Bobby Mars. Bruno Mars. Tocac! De Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars, Just the Way. Logan, c'est quoi? Hein? Quoi? Voilà, t'as compris, voilà. Hein? Ouais, tu, voilà, hein? Tu feras 15 pompes. Là. Juste après la pub. Juste après la pub, Logan fera 15 pompes. Ne bougez pas. De retour après Bruno Mars, vous n'êtes pas suicidé comme l'avait dit Cusco. C'est le... Vous avez bien fait la vie. Non, d'ailleurs, on ne dit pas suicidé, on dit suicidé. Suicidé. Suicidé parce que suicide. En fait, je me suis tous les jours, moi. Hein. Je m'essuie tous les jours, moi. Cette fois-ci, hein. Après, alors, on a appelé. On a essayé en antenne, on a appelé Lille Pêche. Donc, ils vont nous répondre. Donc, ça se passe à Lille. Et c'est comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un magasin de chaussures. Non. Non. C'est ah. Il est con. On a un truc qui ressemble à des chaussures, bizarrement. Ouais, c'est un homard. Je sais pas pourquoi ils ont sorti un homard. Comment on met le haut-parleur, s'il te plaît? J'ai fermé mon livre, bordel. C'est pas grave, tu ouvres à n'importe quelle page. Ça marche. Oh putain, je sais pas. Tu ouvres à n'importe quelle page. C'est bon, voilà, c'est bon. Putain. Oh putain, bien chiant. Bonjour. Oui, bonjour, voilà. Alors, je vous appelle pour un exercice de maths. Comment? Alors, ABC est un triangle. Vous m'appelez pour un exercice de maths? ABC est un triangle. Vous avez une feuille là pour noter? Comment? ABC est un triangle. D'accord? Vous êtes dans une poissonnerie, monsieur. Hein, vous n'êtes pas là pour faire des exercices de maths. ABC est un triangle. Donc, IJK, les milieux des côtés. D'accord? D'accord. Oh, je m'entends parler! Ah non. AB, BC et CA démontrer que IJ, vecteur IJ, égale vecteur KC. Ah, tu trouves pas, hein? Biatch. Peut-être tellement entendu, tu vois. Bon, ils sont des bâtards, les poissonniers. Putain. Vous êtes non, mais il faut leur donner une mais récompense. Mais au cours, on me dit qu'il faut pas dormir. Faut leur appel, donner une appel un particulier, appelle un particulier. Ok. Tu dis, je te donnerai une bonne récompense. Ah, mais... Attends. Il faudrait un nom qui soit en rapport avec des maths, en fait. Non ouais. Thalès. Je voudrais appeler un mec qui s'appelle Thalès. Oui, Thalès, tu peux m'aider pour les maths. Mec, ça m'aime putain. Thalès, Raymond. appelle-le. Il habite où, lui? Oh, il est à Lille, je crois, non 03. Non, Lesne. Dans le 02, c'est Lesne. Voilà, très connu, Lesne. C'est quoi? Lesne. Non, c'est Lesne. Il fait de Lesne. J'ai de Lesne. Il peut pas sourire longtemps, il fait de Lesne. Vas-y, il m'appelle. Allô, Thalès? C'est toi? Ouais, comme j'ai appris. Oh, bon, arrête de faire flinguer mes écouteurs. Ça se trouve, il y avait un espoir qui marche encore. C'est parti! Non, non, il marche pas, j'ai essayé. Là, d'un coup, c'est un rapport un peu quand même qu'on appelle un mec qui s'appelle Thalès. T'enlèves ta main devant sinon il va pas m'entendre. Je pense pas qu'il répond. Si, si, t'inquiète. Mais s'il répond, les gens, ils ont mis le téléphone, c'est pour les appels. Allô, monsieur Thalès? Putain, mais tu lui faire 100 000 fois. De quoi? Arrête de tirer devant nous, putain. Moi je te dis, réponds pas. Quel pessimiste! Allez! Allez Raymond! Allez Thalès! Non, mais il va pas répondre. C'est pas grave, on appelle en dessous. Ouais. T'as après, le mec, ça se trouve, il a essayé de décrocher son téléphone, il s'est mangé dans l'escalier. Il va décrocher tout, il va dire: allô? Ouais, Thalès, tu peux m'aider pour un exercice de maths? Va faire enculer. Vas-y, appelle-lui. Thalès. Voilà, son prénom, c'est Safar. Oh putain, le mec il a pris mon toute sa vie, on a dû se foutre de sa gueule, Safari quand même. Ça a dû bien y aller, hein. C'est clair. Safar, entre Thalès et Safar, là. Ouais, sérieux, Thalès, on va prendre le théorème de Thalès, tout le monde se retourne vers lui. Arrêtez. C'est bon. Et puis après, on essaiera Pythagore. Ouais. Ah non, il y a l'algorithme d'Euclide aussi, on me rappelle Euclide. Ouais, mais après, c'est trop recherché. Thalès, Pythagore, c'est bien. Voltaire. Non. Appel à Voltaire pour la philo. J'ai pris de la philo. Thalès, pour ce garde, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Thalès. Oui. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider pour mes exercices de maths? Thalès, je sais pas. Pour quoi? Mes exercices de maths, comme vous appelez Thalès. Alors, c'est parti. ABC est un triangle. C'est bon, vous notez? J'ai compris. Quel exercice? ABC est un triangle. L'exercice, page 330, numéro 26. Vous notez là. ABC est un triangle. ABC est un triangle. C'est parti. ABC est un triangle. C'est bon. Monsieur. Oui. ABC est un triangle. J'ai rien compris, hein. ABC. Oui. ABC, oui, est un triangle. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Dites-moi. La longueur d'essai. Mais en fait, je voudrais que vous me démontriez que les vecteurs IJ et les vecteurs KC sont égaux. Non, mais je comprends rien, monsieur. Je vous ai dit. Ah bon, vous connaissez pas les vecteurs? Parce que j'avais des exercices de développer et réduire aussi, donc peut-être vous pouvez m'aider. Ça, vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je ne comprends rien. Alors, 2x plus 6 au carré. Vous êtes chez Thalès? Oui. Oui. Thalès et Sophia, et qu'est-ce que vous voulez? Oui. Mais en fait, j'ai eu des exercices de maths, je vous ai dit, à faire chez moi. Et là, j'ai, donc, comme vous vous appelez Thalès, moi, je sais pas, vous allez m'aider, vous connaissez par cœur et tout. Alors, 2x, facteur de 3 plus x. Oui, allez, ciao. Bonjour, monsieur Bond, ya yeah. Voilà, il m'a dit au revoir. Quel con. Quel exercice. Quel exercice. Ah, je croise. J'étais mort de rire. Allez, on le rappelle. Viens, on le rappelle. Non, allez, viens, on le rappelle. Non, parce que. Non. Mais c'est bon, t'as vu comme ça a shooté le mec? Je comprends rien. Il habite à Sofia. Non, c'est pas lui, c'est l'autre qu'on a appelé. Donc on peut appeler aussi lui. Non, c'est le même. Regarde. Non, c'est pas le même. Ah, si, c'est le même. Il a deux maisons, le bâtard. Comité d'entreprise. Putain, mais il y a. Bon, alors on appelle Pythagore alors. Ouais. Allez, Pythagore. On dirait qu'on le connaît tout. On appelle Pythagore. Allez, Pito. Hein? Attends, oh. Pito. Oh, ouais. Putain, il n'y a pas de mec. Pythagore, SAS. Ah, mais je suis pas sur page jaune, là? Non, t'es sur page... T'es sur page blanche, là. Putain. Wow. Dans le Loiret, résidence Pythagore. Bon. Pythagore conseil. Viens, rappelle Thalès. Il avait l'air bien con. Et après, on arrête, parce que bon, c'est bon. Quel exercice? Vous êtes chez... Thalès, Thalès, ça fort. Oui, vous m'avez raccroché au nez. Vas-y. On le rappelle? Ouais. Ouais. Ça va, d'accord. Il est là, son nez. Bah, il fait rappeler, ouais. Non, non, parce que si je rappelle, ça sera pas masqué. Alors. Attends, je sais comment j'ai commencé. Ça se trouve, après, il y a un mec qui va appeler, il va dire: ta gueule, ton exercice de merde. Tu me casses les couilles, putain. Ça fait rigoler comme il fait « Ah, bonjour, ya yeah. !» Bonjour, ça se J'ai de l'allemand aussi, j'ai voulu. Qu'est-ce qu'il y a? Thalès, Portugal, bonjour. Alors, 2x plus 6 au carré. Tu peux arrêter maintenant avec ta connerie, là. Mais hein? Vous avez trouvé ma solution à mon exercice, monsieur? Il faut que sa ligne reste libre, hein. Alors, arrête ta connerie, va jouer ailleurs, hein. 2x... Mais là, je joue pas, monsieur, je fais mes devoirs, ça suffit, là. Connard. Bon allez, on passe Bon enfin un autre truc là, parce que c'est chiant. Et ouais, ça fait chier Thalès, hein. Il faut que la ligne elle reste libre, hein. Ouais, j'ai rien compris. Bah je vois ailleurs. Quoi? Mais je suis pas gros. Parce que la ligne D'accord, ok. J'aime. Bah, Béatrice. Béatrice Thalès. Allez, dernier essai, après on... Elle habite à Saint-Jean, d'Angély. Après, on essaie les coiffeurs. Ouais. Les coiffeurs, gynéco... Non, pas gynéco, c'est bon. Gynéco, ils vont dire, vous voulez prendre rendez-vous, gynéco? Oh, j'ai la chante, elle me gratte. Le mec, il va dire, c'est qui, ce sauvage? Déjà, avec la grosse voix de mec, j'ai la chante, elle me gratte. C'est mon elle s'appelle quand même. C'est mon chien. C'est mon chien, c'est le gratte à chat. Vas-y, Thalès, Béatrice. Attends, j'ai fermé mon livre, moi, du coup, là. Considère le point B tel que. Je pourrais, j'ai pas des exercices de Thalès en fait, comme ça, j'ai bien. Vous êtes bien chez Béatrice Thalès et Frédéric Maslow. Laissez un message après le petit sonore. Merci. Ouais, j'ai un message. Ouais, monsieur Thalès, je vous appelais par rapport à un exercice de maths, comme vous appelez Thalès et tout, je me suis dit peut-être avec un peu de chance. Donc voilà, donc je vous laisse vous y réfléchir, je vous laisse un message. Vous me rappelez, hein, vous avez mon numéro normalement. Donc, soit x égale 0,6 moins 2x, et j'ai entre parenthèses x égale 0,4 moins x, et leur courbe représentative d et d prisant. Quels sont les coefficients directeurs de d et d? Vous avez 10 minutes. Top, c'est parti. C'est parti. Voilà, alors voilà. Nous avons laissé. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais Béatrice, à mon avis, elle a dû se faire opérer il y a pas longtemps. Ça doit être un transsexuel. Vous êtes bien chez Thalès, Béatrice. Voilà. Vous êtes bien chez Thérèse Béatrice. Oh putain. Mais ça fait super peur, moi ça m'a fait peur. Sur le début, ça m'a choqué. Moi aussi. Putain, on n'a pas rigolé. Mais ouais, putain, dégoûté. Sinon, je crois qu'il y en a une autre en Corrèze. Oh, je croyais qu'on arrêtait là. Bon, c'est pas grave, ça fout. C'est le mieux. Ça vous plaît ou pas? Ah, moi aussi. Ah, je le savais. Y a pas des mecs, ça peut... Après, il faudrait faire des trucs pourris, genre vecteur. Un mec s'appelle Malik. Ah ouais. Attends, un mec qui s'appelle Fonction. Attends, ça doit appeler les gens qui s'appellent. C'est tout comme nom, vecteur. Arrête de faire le schizo là. Vecteur. Mais c'est pas trop marrant en fait. Alors que Thalès était bien. Attends que. Donc bougez pas. On se retrouve juste après, on va s'écouter Shakira Loca. Ça est là. Bon, d'accord. En version espagnole, pas en version américaine. Non, non. D'anglais. Pas la version anglaise de l'américaine. On se retrouve juste après. On va appeler des coiffeurs pour se faire coiffer les dessous de bras. Ouais. Et on fera aussi le blind test. Pour pouvoir mieux rouler les deux bichos. On dira ça. On dira ça. Bah, c'est à toi de parler un peu, ou okay. À Logan. Ok, c'est bon. Non, moi je parle. Allez, loca. Non, c'est pas ça. Loca. Voilà. On se retrouve juste après ça. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Non, tu n'appuieras pas sur le truc pour que j'arrête de passer le sang. Loca, Shakira, on se retrouve juste après ça. No te ponga bruto. Que te la bebe. Se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Tú sigue tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Sé que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometí. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se volan los ratatá. Te ponga bruto. Que te la bebe. Él está por mí y por ti borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy lo que cometiré. Loca. Soy lo que cometiré. Loca. Buenos días, de la tica. Ben ouais, comme moi j'ai écouté Shakira, je vais parler en espagnol. Je vais faire que l'espagnol. So, está muy contento de... C'est de pas la... dans la merde. D'accord, je suis pas à l'aise en espagnol. Mais oui. Ouais. Loca. Si, muy bien. Que Penelope Cruz está muy buena. Chica. Muy buena, chica. Oui. Le gusta la fellación. Bravo. Oh là là. Alors, comme quand elle a fait le Kamasutra, te rappelles, et moi j'avais dit, il y a une position qui s'appelle El Bulito. Voilà. Donc toi, okay. Tu casses tout ce que tu touches. En fait. Non, c'est pas ça. Oui. C'est... J'avais envie de casser ça. Mais tu fais chier. Est-ce que je te dis que ta coupe de cheveux était merdique? Non, je te l'ai pas dit. Et pourtant, je le pense. Là, on va appeler Prétière pour qu'il te fasse ta coupe de cheveux et les aisselles par la même. Ouais. Chose. Ouais, parce que j'ai besoin de relooking en fait. C'est toi qui parles ou c'est moi qui parle? Ben, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai besoin de relooking. On parle tous les deux? Non, c'est moi. Ouais. Voilà. Là, t'es mon conseiller mode. Hein. Ok. Ça, tu fais gay. Ça, tu fais gay, toi. Là, tu fais gay. Okay. Bonjour, j'ai entendu parler de votre salon. Attends, wow. Et tiens, fais les bords. Ta gueule. C'est qui nous écoute. C'est toi qui parles en premier. Et moi je fais. Oui, parce je fais le gay. Je fais le gay. Ouais. Salon Prétière, bonjour. Bonjour, je vous appelle par rapport à un ami en fait. Hein. Oui. Et je vous ai conseillé. Je lui ai conseillé votre boutique. Hein. Oui. Je lui. Que dis-je hein. Je lui ai conseillé votre boutique. Donc il est oui. Avec moi. Mais en fait, il a un problème particulier. Je vous laisse vous l'expliquer. Ouais, bonjour. Je m'appelle Patrick. J'ai 40 ans. Je suis célibataire. Et. Et en fait, j'ai un gros problème de look d'après. Ouais, voilà. Un gros problème de look, hein. J'aimerais me faire refaire les aisselles, en fait. Il aimerait se faire coiffer les aisselles, c'est vraiment important, madame. Vous avez que ça à faire? Pas du tout, hein. C'est très important. Ouais. Vous êtes dans un salon de coiffure, faut appeler un esthéticien. Non, on veut des coiffures des aisselles. Parce qu'en fait, j'aime bien les tresses africaines. Voilà, des dreadlocks pour les aisselles. Et en plus, à ce qui paraît, les filles qui approchent de la quarantaine, elles sont très fans de dreadlocks au niveau des aisselles. Puis en plus, ça m'aiderait à rouler les doubichos. Les doubichos, oui. Hein. Madame, si tu me réponds pas, je risque de me vexer. Même pas la coiffeuse, elle veut de moi. Putain. Bon. Je m'appelle Patrick, je frise la quarantaine. T'as dit ça, je frise la quarantaine. Oh là là, c'est nul. C'est nul. Putain. Non, mais on est dans ça. Au début, j'avais l'impression qu'elle était morte de rire, qu'on la tenait et tout. Ah ouais, elle rigolait au début. Je sais pas. À un moment donné, elle essayait de parler, elle disait pep, tap, tap. Ouais, et non, j'ai ta gueule. Tu parleras pas. Voilà. C'est mortel, on a trop dû demander genre un catalogue avec des coiffures. Mais en fait, c'est ouais. Ma voix de gay qui m'a trahi parce que ça fait pas normal. Ça fait bonjour. Hein. Ça fait pas normal. Tu veux que je fasse le gay? Toi, tu te fais relooker? Tu fais comment le gay? Vas-y. Bonjour, hein. En fait, hein, j'ai. Non. Ouais, c'est genre bonjour. Hein. C'est bonjour. Mais en fait, il faudrait que je fasse coquin, coquin. Genre, c'est vraiment le top. Ah, c'est faudrait faire le gay avec la femme. Un défrissage japonais, ils font quand même. Hein. Non, lissage japonais. Beauté des mains, voilà, ils auraient pu faire les dreadlocks, quand même des dreadlocks des aisselles, oh, ça leur demande non, pas grand chose. Regarde. Non, mais en fait, là, nous on a appelé eux. Ah ouais, défrisage japonais. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je suis vachement romantique. C'est vrai que tu aurais trop dû faire le mec avec toi, tu te dis, mais vous êtes célibataire. Attends, on appelle privé coiffure. Donc ils sont obligés de répondre, les coiffeurs à cette heure-ci, c'est l'heure de pointe. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh ah ouais. Là, là. C'est l'heure de pointe. Bon, vous la sentez la pointe. Après on essaiera de se faire un blind test avec les chansons qu'on a ou pas. Alors on fera un blind test, c'est ceux qui répondent faux devront enlever en fait. Oh putain, je fais le mort. Non, je suis pas okay. C'est moi qui parle. C'est moi qui vais confirmer les dreadlocks. Des coiffeurs, bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick, je frise la quarantaine, j'ai des cheveux blancs. Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un relooking. Voilà, en fait, on vous appelle parce qu'on voulait savoir si vous pouviez coiffer les dessous de bras. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça hein? Non, parce qu'en fait, j'aimerais séduire les femmes et apparemment, ça fait fureur au 21e siècle, les femmes qui. Ouais, en Allemagne, ça marche très bien à ce qui paraît. On a vu que j'aimerais ça... avoir alors les tribales, un défrisage japonais sur la main gauche, s'il vous plaît, sur l'aisselle gauche. Comme ça, eh ben, ça me gratterait pas trop et puis. Eh ben, je pourrais m'en servir en tant que serveur. Mais arrête de rigoler, c'est bon, là. Et des dreadlocks aussi, madame. Ah, je t'ai reconnu, Laurent. Allô? Ouais. Moi, c'est Laurent. Quel con. Mais pourquoi t'appelles ici? Quoi? Pourquoi t'appelles ici? Mais parce que je t'aime. La dernière fait genre avec son air de commissaire. Ah, je t'ai reconnu Laurent. Démasque-toi Juliesco. Je t'as connu Laurent. Mais on est trop dans la mine, Laurent dans la... On a mis Laurent... On a mis Laurent dans la merde en fait là. Ouais. Parce qu'en fait ça se trouve Laurent c'est son frère. Et pourquoi tu as... Ça se trouve Laurent genre... J'ai connu Laurent et moi je... Oui, j'ai connu Laurent. On a mis Laurent dans la merde, voilà. Bon Laurent, si tu nous écoutes, ben Laurent, tu es dans la si merde. Si tu m'écoutes, on est désolé, voilà, Laurent à Paris. On est désolé de t'avoir mis dans la merde de la sorte, ouais. Laurent. Allez, vous allez vous mettre en place, on fait le blind test. Ok. Et vous pouvez le faire chez vous aussi. Allez, alors je rappelle que toute personne qui a une réponse fausse enlève ses fringues. Ok. Ou alors c'est moi qui le fais. Logan, tu fais le blind test. Hein? Tu sais, tu seras trouvé des chaussons ou pas? Non. Qu'est-ce que tu fais là, Cousco? J'ai pas une. Mais je me fais un truc. Ça va pas, non mais c'est... Mais on est en rente... Ah non. Oh, ça marche pas là. Ah, muy bien, muy bien. Je suis ouvert à toute proposition. On aurait dû dire ça. Putain, ça m'a tué. C'est reconnu, Laurent. Pas maintenant, le blind test. Voilà, pour une fois qu'on est sur... Ouais, c'est pas grave, on reprendra pour les coiffeurs après. On fait le blind test. Attends, j'aime bien le... Ah, ça m'a tué. Oh, mais celui-là, on le mettra... Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais... Comme Darius fait un travail de titan... Oh, putain. Et ben, je suis sûr qu'il nous fera un petit best-of des meilleurs moments. T'as vrai? Non, bah, ça durera 20 minutes, hein. Non, ça va. Mais j'ai serré, ouais. Allez, va t'asseoir, va te mettre en place. Pillage. Première chanson. Ah, mais mettez-vous debout. Non, tourne, parce que moi, je peux être soufflé de tricher. Tourne parce que je peux être soufflé de tricher. Putain, si tu vois ça, t'as vraiment des yeux de fou, quoi. C'est bon, je ne vois pas. Alors, attends. Oh, je vois rien. Il va tricher. Non, c'est une je vois rien. Putain, je la trouve plus sur ça. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Allez. Allez. Oh, ça. C'est bon, hein. Je t'ai reconnu, Laurent. Oh, mais celle-là, c'était. Alors, est-ce que vous arrivez à reconnaître ça? Vas-y. Attends, je mets le volume à fond. 3, 2, 1. Voilà, hein, c'est bon, hein. Vas-y. Vas-y. C'est bon, ne stresse pas. Allez, une pub. À la base, les gens me connaissent plutôt sur ça. Enlève le son et on parle dans la pub. C'est ça? Oh, Viviane, c'est Fefe. Ah, je connais pas. Tu le vois, Fefe? Ah, c'est Fefe. Chanter dans les stades. Ouais, c'est plus la merde. Ah, mais c'est Fefe. Ouais. Allez, c'est parti. Je connais. Ah, tu connais? Ah, c'est. Ah, ils ont fait un truc, les mecs. Tu vois le petit soldat? Allez, hop, les chaussures. Le petit soldat, les chaussures? Non, les chaussures! Le premier, c'est surtout. Ah, bon, si tu veux. Moi, je dis les chaussures. Allez, yo! Ça va chanter. Déconnez les gars. Mais... Allez, dis un truc. Allez. Bon alors celui qui dit pas un truc là, il enlève les chaussures. On enlève les chaussures. Non mais j'ai changé, j'ai menti. Enlève les chaussures. Enlève les chaussures. Ah. Donc toi tu enlèves les chaussures, Swan. Non, oh, dégage! Ouais, ouais, bon, la fête si j'enlève les chaussures, les mecs! Hein. Mais tu vois, ça encore, c'était pas terrible. Ah, mais c'était là mes chansons. Attention, c'était pas terrible, cette chanson? Enfin, c'était. Ouais, c'était pas trop connu. Attention, si j'étais connu quand même. Vas-y. Facile. Y'a pas de pub là? Non, c'est bon. Okay. Ah, c'est qui a dit en premier là? C'est moi! Non, c'est moi! Attention, je décide. Cousco, t'enlèves le pantalon. Non, les chaussures, les chaussures. Putain, en plus, moi j'ai des lacets. Oh, baby, I'm takes like me. Bon, moi après, j'en ai une, hein, si vous voulez faire une blind test. Bah, tu feras à nous alors, si tu okay. veux. Attends, wow, bah, tu choisiras tes chansons pendant la pub à ce moment-là. Ah, parce que moi aussi, j'ai envie de me déshabiller. Attention, c'est parti. Bah ouais, mais ça fait chier, il dit le nom dans la chanson, je viens de m'en rendre compte. Non, y'a pas de pub. Arrête de me casser les couilles. T'as fini avec tes chaussures? Ouais. Bon, maintenant c'est le pantalon et les chaussettes, les deux en même temps. Non, t-shirt d'abord. Oh, quel cochon. Non, d'abord les t-shirts. Bah allez. C'est la pub là, tu permets quoi. C'est pas la pub, c'est ça, ça bug. C'est le chargement. Putain, ça bug. Attends, je réessaye. Pierre Coljac. C'est les pubs. Pierre Coljac revient avec que maintenant Frigerage rajoute pas aussi de la pub. Reparlez-vous. Pierre Coljac. Les meilleurs de Pierre Coljac. C'est reconnu, Laurent. Ça va tuer. Non, attends, je me suis trompé là. Oh, tu déconnes ou quoi là? C'est la pub. Pierre Coljac. Vas-y. Toutes celles qui portent la France. Ça m'énerve de mes fils. Bon. Logan, tu enlèves le pantalon. Sans déconner. Bah, t'enlèves le pull, c'est bon. Faire caca. Faire caca. Ah ouais, moi, c'est dans mes hobbies sur Facebook, faire caca. Ouais. Voilà. Allez. Vous avez gelé les couilles, hein, si jamais vous avez le t-shirt. Chacun, Smack Dab de l'école avec Eminem. Allez, t'enlèves le pantalon, Cusco. T'as pas dit Eminem. T'as pas dit enlève. Enlève le pantalon. Enlève le pantalon, Logan. Non, j'ai dit la fin, moi. Bon, ça va, vous voulez qu'on passe à plus dur? Vas-y. Putain, j'en ai fait chier. Moi, j'ai eu plein d'absence, moi. J'ai bien. Je t'ai reconnu Laurent. Ça m'a tué ça. Je t'ai reconnu Laurent. Le bien, elle a pas dit Laurent, elle a fait Laurent. Ah, bah évidemment, j'étais à Paris ou je sais pas quoi. T'es con, pourquoi t'as pas cherché? On aurait trop dû faire. Ta gueule, je veux plus te voir et tout. Ça se trouve, c'est son mec. Putain, la honte. Ah, attends, j'ai oublié un truc. Super facile, hein. Vas-y. Je suis chaud. Oh. Pierre Paul, tiens. Allez, sois Logan, le t-shirt. Allez, à toi un peu. Ah non, tu peux être totalement en calme. Bon, il reste le caleçon, le pantalon. Bon, allez, à moi. Allez, bah, voilà. On s'en va la musique d'abord. Cusco a gagné le premier blind test. Donc, c'est toi qui choisis. Allez, on va se taper tout de suite, on va s'écouter. Attends, qu'est-ce que c'est? Putain, je m'en rappelle plus. Allez, on s'en fout. Mets la chanson, voilà, ils découvriront ce que c'est. Voilà, vous découvrirez ce que c'est. Je m'en rappelle plus dans la chanson. Allez, 1, 2, 3, écoutez ça, vous avez kiffé. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. It's a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Shit talking up all night. Saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. And we both know how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Shit talking up all night. Do things we haven't for a while. Now got the feeling that we need it for the first time. Ooh. like saying things we haven't for a while. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Salut, de retour. Alors voilà, ils se font de la poire parce que je viens de me prendre un vent, je parlais dans le vide. Alors, quoi ? Je crois qu'il y a des seuls... Oh merde, ouais, voilà. Bon, alors, là, vous avez à ma gauche Logan, à ma droite Darius. Ils vont être soumis à blind test. Tu attires, t'es sûr? Ouais, ouais. Alors, attention. Oh, première chanson. Première chanson, je pense que c'est Swan qui va trouver. Avant. Oh, parce que j'ai pris des chansons un peu du même profil, tu vois. Alors, là, je pense que c'est là, c'est Swan qui a trouvé. Ouais. C'est Darius. Swan. Chaussette. J'ai vu la liste. Non, je c'est Darius, alors Logan, chaussette. J'attends pas, non, viens, on fait des nouveaux trucs, tu devais faire 15 pompes. Non, non, c'est bon, chaussette. Non, 15 pompes. On s'en fout. Oh, c'est pas, bon, hé, hé. Celui qui trouve pas. Ah oui, avec là. Ouais. Oh, c'est 15 pompes. Non, j'ai pas le titre. J'ai pas le titre. Bougez. Non. Non. Non, c'est pas ça. Ouais. Bon allez, Darius, chaussette. C'était Rock This Party de Bob Sinclair avec Q2B. Maintenant, je pense que ce sera les deux, mais je sais pas si vous avez... C'est la plus dure, de toute façon, celle-là. Mais elle est facile. Vous avez trouvé au premier refrain. Oui. Mais oui, vous allez me dire l'auteur. Ouais, mais même moi je signe you. Non. Tu vois. Ah, c'est pas celui où il chante avec les mots. Non. Elle est belle cette chanson. Non. Ouais, c'est ça. Non. Non, vous avez trouvé au premier refrain. Vous avez trouvé au. Non. Je vous dis rien, mais vous avez pas au premier refrain. Oh, je vous dis, aussi. Tous les deux pieds nus. Baby, moi, je ouais. Ouais, Darius. Bon, allez. Bon, Logan qui est sans chaussettes, sans t-shirt et sans habits. Mais bien maintenant, on fait des gages, non? C'est plus marrant. Mais non, allez. On fait tout, allez, on fait des pompes. Ok, le prochain, c'est 10 pompes. Wow. Ok, 10 allez. Pompes sous mon commandement. Wow. Charles, tu as trouvé. Tu as sur nous. On y a fait un petit malin. Quoi? Petit malin. Ouais. Ça, je connais pas. Mais si. Non, c'est pas ça. Tu connais. C'est ça. Un indice. C'est Timbaland et Kerry Hilson. Non. Ok, c'est pas là. Et ben vous nous envoyez une lettre, voilà. Regarde, tu fais quelqu'un qui est dit pas. Non, mais non, non. Quoi, bah non, parce que t'as pas. Bon, allez, c'est pas grave. La prochaine. Mais j'ai dit ça. J'ai la prochaine. Écoutez, vous allez les trouver. Bah, en fait, il fait des photos dans la chanson. Tiens. C'est ACDC. Ouais. I Went to Hell. Ouais. En plus, t'as la musique. Laisse la musique. I Went to Hell. La musique, et c'est. Le gars qui va nous faire ses 10 pompes sur Highway to Hell. Vas-y. Ouais, j'ai fait avec toi. Allez, ouais, Darius aussi il est fait. Allez, ensemble. 2, 3, allez. 1, 2, vas-y. 5, vas-y, 5, allez, 5, 6, 7, 8, 9. Si ça on dirait ma grand-mère, allez, sois là toi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, voilà, 8 pompes, mais c'était vraiment pas des belles pompes. Et la dernière, celui qui gagne celle-là, il a gagné le blind test, même s'il si a réussi devant. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? C'est quoi le gage de l'autre? L'autre, moi, je fous, j'ai l'autre, il cure le nez, l'autre il cure le nez. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je fais le cul maintenant. Ouais, si non. Tu veux. Non, non, allez, mais quoi? On fait quoi? De, encore des trucs de sport? Non, pas des trucs de sport, un truc bien chiant quoi. Ouais, un truc qui est mini. Une claque, celui qui a perdu. Ouais, voilà, une petite claque. Putain. Une tapette, celui qui perd aura une tapette. Non, mais pas trop fort. Non, mais pas fort. Allez, ah, vous avez trouvé direct. Déjà qu'il a perdu. Oh non, publicité. Non, on parle pendant comme ça, les gens ils entendent pas la publicité. Voilà, j'ai coupé le son, moi vous n'entendrez pas la publicité. Si tu as coupé le son, ils nous entendent ou pas? Ouais, ils nous entendent. Ah, vous nous entendez? Ah, oui. Ah, voilà, ben là, ils sont comme des cons. Logan, je vous décris la scène. Il est sur une chaise, il a l'air d'un peu de déprimé, le pauvre. Et il est torse nu, mais il garde sa dignité. Et Darius, il s'étire, là, il est chaud. On passe la finale, moi. Eh, c'est parti! Ouais. When I see you, I run out of words to say. I want to leave you, but should I talk again? Make you stay. See, girl, I'm not a girl. I don't wanna bother you. 'Cause you're very bad, and you got my attention. Like a little mama, girl, I just wanna show you. Oh, écoute. Attends, ça arrive. Non, écoute. Beautiful. Clac. Vas-y, mets-lui le cac. Mets-lui le cac. Non, tu t'es suivi. Ok, ouais, vas-y. Tu t'es suivi les mains. Mais je me suis non, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai rien. C'était pour déconner, je me suis pas craché. Allez, sur la main, Olivier. Allez, vas-y. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Oh, tant bien la joue. Vas-y. Tant bien la joue. Vas-y. Tant bien la joue. Allez. Oh, je te clacasse. Ah, j'ai dû faire plus fort. Bon, allez, voilà. Allez, toi, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? T'aurais pu te défouler. Toi contre moi, Arthur. Non, on va s'écouter une musique là. Ouais, on va s'écouter une musique. Allez, mais non, ça fait que. Vous allez vous écouter quoi? Mais non, ça fait pas beaucoup là. Mais si, on va la partie, non, elle est plus. On va s'écouter une musique. Allez, qu'est-ce qu'on va s'écouter, Darius? Qu'est-ce que je peux vous mettre? Je vais vous mettre un classique. J'ai envie de mettre un classique. Darius, je vais mettre un classique. Attends, je vais mettre la nouvelle de Nelly. Furtado? Non, Nelly. Nelly, après, je connais pas. Tu écouteras. Ok. Et puis après, on s'écoutera. Ouais, voilà. Allez, on s'écoute Nelly et voilà. Nelly, la nouvelle voilà, de Nelly. On s'écoute ça. On s'écoute Nelly, c'est. Just a dream, voilà. Oh just a dream, voilà. Allez, ciao. Ciao, surtout, je t'abonne. Salut, nous. Combat dans plus joyeux. Oh putain les mecs sont agressés, ils avaient fini une semaine et sont tranquilles et tout là. Oh la top. On va appeler 14 packs de Red Bull. Allez c'est parti. C'est parti, j'ai toute la nuit là. On va s'écouter non on va pas s'écouter du tout. Mais non on va pas s'écouter. Mets moi des claques, Aïe. Ah ça y est, bâtard, attends, j'ai mis la claque tout à l'heure là. Alors ah mais voilà. J'en ai mis qu'une. Voilà, allez. T'es dans ma tapé. Allez. Soumis. C'est soumission de la ah ouais, place. Vous aussi, ils font que dire soumis, c'est trop chiant. Genre, c'est tu te lèves pour aller chercher de l'eau, ils font soumis. Mais ta gueule, j'ai soif. Ah ouais, ils font ça? Ouais. Soumis. Soumis. Mais c'est ça, hein, on est soumis. Nous, ils sont là, ils font ta gueule. T'es soumis. T'es soumis. Mais non, ta gueule, toi, t'as peur. Je suis sous quoi? Mais en plus, ça veut dire moi. Ouais. T'es soumis. Soumis. Ah, bah c'est pour ça qu'on dit soumis en fait. Soumission, parce que sodomie aussi, non? Ouais. Sodo, ça. Sodomie. C'est de la musique en fait. C'est très musical. On appelle où le coiffeur pour les dreadlocks des pieds? Des mains. Des poils de cul. Frédéric Desmond, il est à Saint-Barth. Vous faites aller parler de cul. Viens, on appelle Frédéric Desmond. C'est ça qui est impressionnant avec les coiffeurs. T'as vu les coiffeurs, ils ont tous deux prénoms, genre Jean-Louis David. Ouais. Ils ont pas de nom de famille. Hein. Je te jure, tu as un coiffeur, il s'appelle Jean-Louis. Pierre-Louis Patrick. Quand même, franchement, le pire chez les coiffeurs, c'est quand même le shampoing. Ouais. Putain, c'est genre, c'est pas trop chaud là. Tu vois, viens dans ta gueule. Tu préfères ça à la police, genre. Alors, tu veux pas répondre? On va faire les shampoings, hein. Allez, les mecs, on fait les shampoings. Allez, c'est le coiffeur. Après, t'as je fais, c'est trop froid. Et elle fait, oui, je sais, mais elle baisse pas, tu vois. Non, le pire, c'est qu'après, elle fait, c'est chaud là, oui. Et là, bien froid. Ouais. Et elle dit, toi, tu dis, c'est froid. Elle dit, oh, t'es compliqué, hein. Et puis après, elle fait son petit rire de merde, genre, pour pas que tu te vexes. Ouais, mais. Non, mais juste. Et ta gueule, là. C'est trop chiant, quand même, c'est quand même. Que direct tu viens dans le coiffeur, ça pue les cheveux morts. Ouais, ça sent les cheveux désintégrés. Ça fait peur, ça te décoiffe, tes cheveux ils vont en arrière et tout. Ça sent les cheveux morts. Vous aussi, choisissez le chauvinisme. Devenez chauve. Oh, sérieux, je devenais chauve. Il y en a un, il est chauve au lycée. Parce que la calvitie, c'est bien. Ouais. Parce que c'est vous. Mais merde, en plus, tu as vu, Maël Porchetto? Ouais, c'est parce qu'il a chopé un microbe. Mais ta gueule, ça se trouve, il nous écoute à la radio. Ah, salut, maître. Non, c'est pas grave. On le coupera au montage. Tu le connais. Il est super sympa d'ailleurs. J'ai parlé avec lui. Il est trop cool. Allez. Bon allez, voilà. D'ailleurs, je suis passé dans sa classe hein, pendant tous mes changements. On va se faire frapper. Donc on parlait des coiffeurs. Et d'ailleurs, les coiffeurs, tu as vu, on a toujours un qui s'appelle Jonathan. Non. Putain. Donnez-nous notre avis. Mettez des commentaires sur le blog. Est-ce que vous aussi David. C'est Jean-Louis David qui me l'a appris. Putain. Allô Jean. J'aurais parlé à Jean-Louis. Allô Jean-Louis, il est pas là. Bon bah David. Allô Jean. J'aurais parlé à Jean. Louis ou peut-être Jean-Louis. David. Tu sais pas. Fais ça. Pourquoi il n'y a pas de réponse. Ah bah oui. C'est parce que j'ai pas. Pourcent Arseille. Pourcent. Ouais ça va, c'est bon, c'est mes doigts qui glissent, fais pas chier. Les gens disent pourcentage connard. Ça picote les fesses hein. Bon allez. Jean-Louis. Soumis. Tradition. Soumis. J'aurais parlé à tradition. Ah comment il coupait les cheveux alors avant? Comment ça? Je sais pas, ça tradition, ça veut dire qu'ils font les coupes de cheveux à la tradition, quoi, l'ancienne. Ouais, genre coupe de cheveux fait maison. À la pierre. À la hache. Tu mets les cheveux. Je vais pas les mettre. Bouge pas. La hache. T'as bougé. T'es mort. T'as bougé. 08 79. C'est quoi, c'est les dreadlocks des mains aussi Tu fais le gay ou je fais le gay? Non, on s'en fout, on fait pas les gays. On fait tous les deux les gays. Logan. Non, mais pas les gays. Logan, tu parles gays, allô, Jean-David. Bonsoir, Anthony. Oui, bonjour, Jean. Allô. Oui, bonjour, Jean. Comment? C'est Jean à l'appareil? Non, vous êtes au salon Jean-David. Ah, mais c'est Louis. Comment? C'est Louis, alors. Vous avez dû vous tromper de numéro, il n'y a pas de Jean ici. Je parlais à Jean, à Louis ou à David? Non, il n'y en a aucun. Ah bon? Sérieux? Je sais pas, j'ai trouvé Jean-Louis David dans l'annuaire. Le pire, c'est qu'il ne raccroche pas, il nous laisse en attente. Sérieux? Ouais. Comme ça, tu réfléchis à ce que t'as dit, connard. Réfléchis. Tu réfléchiras à ta connerie. Et il imagine que le mec, il va rester au téléphone, il fait « Putain, il m'a niqué. Je peux rien dire en plus, là. C'est trop con. » On fait quoi? Allez. Jean-Louis David? Mais non. Jean-Louis ou peut-être David? Non, c'est nul. Faut refaire quelque chose d'autre. Des noms de coiffeur. Bah, coiffeur. Ouais, coiffure. Faut trouver un nom de. Parce que t'as vu, il y a des trucs de coiffeur qui ont rien à voir avec. Avec quoi? Avec la coiffure. Genre la patte de marque. Ouais, des fois, il y a des choses comme ça. Ouais, hein. Genre le couscous. Couscous de chez moi. Salon de coiffure. Quartier coiffure. Quartier coiffure. Ça Chantal coiffure. Chantal. On appelle Chantal. Non. Attends. Alors Chantal. Coiffure contact. Coiffure d'hiver, yo. Cut. Attends, déligant, voilà, alors faut m'expliquer. C'est bien pourri, cut. Coupé. Domergue Robert. Non, allez, on appelle cut. Domergue. C'était pas. Non, on monte. C'était ma première CE1, Domergue. Vas-y. Ouais. Non. Là, on prend cut. Non, cut. On appelle allô, Chantal. Cut. Non, attendez, tu fais allô Chantal, c'est Samantha. Allô Chantal. Non, le truc trop chiant, t'appelles les gens, tu dis c'est qui? C'est moi. À ton avis. Allô, c'est qui? Ah ouais, mais bien, à ton ami, fait... genre le mec il a plein d'amis et tout, elle dit mais c'est qui? Ça tu fais, c'est Laurent. Puis on la rappelle. C'est qu'on rappelle? Ouais. Allô, c'est Laurent. C'est qui c'est? C'était Pretty, non? C'était pas Pretty hier? Non, c'était le truc juste en dessous. Non, ouais, non, je m'en vais plus. Non, bon, on s'en fout, on s'en fout. C'est Laurent. Tu dis ça. Ok. C'est ok, 80. 79, 21, 23. Le Casatemi de la Cotando. C'est toi qui parles. C'est toujours pour les points de bras. Allez, c'est Logan qui parle un peu. Logan. Quoi? Non, moi parle. Je vais rigoler direct. Ok, d'accord. Quoi? Non. Non, cut. Non. Cut. Allô, c'est cut. Cut. Bonjour. Allô, cut. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, mon ami et moi, on vous appelle pour un cas un peu particulier. On a c'est moi l'ami. On a vu qu'en Allemagne, ce qui marchait surtout, c'était les coiffures avec les aisselles. Les aisselles. Genre des dreadlocks, des machins comme ça. Vous pouvez nous faire un défrisage de l'aisselle gauche avec des tribales sur la droite, s'il vous plaît? Alors, répétez, s'il vous plaît. Alors, voilà, on voudrait se faire... Oui, des tribales en forme de cœur avec marqué I love Jeanne. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez faire des écritures dessus? Ah ouais, avec la tondeuse. Alors, je vais demander, je vous laisse un peu patienter. D'accord, allez-y, no problème. Et là, je manque. J'ai des gens bourrés au téléphone, ils me demandent si on fait des tribales. Non, c'est pas ça qu'on veut. Non, on ne fait pas les tribales. Non, mais c'est pour les deux sous-bras, en fait, pas forcément les tribales, d'autres trucs. Ouais. Coupe non, à trop. Vous pouvez nous faire des défrisages ou des dreadlocks. Des dreadlocks, ce serait génial pour les aisselles. Ouais, c'est vachement bien les dreadlocks. Non, désolé. Vous faites pas ça? Vous pouvez pas nous faire un effilage ou... Non, vous pouvez pas désépaissir, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus, là. Ouais, sérieux, c'est dégueulasse. Non, désolé. Je suis à côté Mais quel est nul. Je suis à côté de lui, et puis ça me chatouille les poils du nez, déjà, là. Pardon? Ça me chatouille le nez, déjà, ces poils de bras, là. Mais non, désolé. Vous faites pas les tickets de métro? Non. Et un exercice de maths... Bon, ben, écoutez, très bien, merci beaucoup. Et le temps. Merci, au revoir. Au revoir. Vous pouvez me faire le torse. Je vais poil. On n'appelle plus rien. Yes, we on venir. Tu appelles, tu dis, j'ai des poils. On voudrait trop qu'on appelle. Bonjour, j'ai des cheveux. C'est la dernière émission, faudrait qu'on appelle ceux qu'on avait appelés pour la première émission. Genre. Ouais. Genre sextoy. Vous voulez qu'on vous refasse un sextoy? Non. Genre les mecs des fruits et légumes. Chériri. Fruits des... Ah. C'était à Marseille. Plateau de fruits de mer. Oui, c'était lui. Vous vous rappelez de celui-ci? Ça rappelle de lui et tout? Ouais. Chériri. Ok, mais court. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas à Marseille, à mon avis. Non, c'est fruits de mer. Prends mon portable à moi, c'est bon. Bon, fou, moi. Mais on entend bien, il faut parler fort. De mer. Yo, mon portable. T'as encore du forfait, toi, Charles? Oui, ça a changé pas longtemps. T'as joué un dit où, t'es fou? Bah, je récupère ma carte SIM, alors. Vas-y, récupère ta carte SIM. Coquillage Neptune. Coquillage Henri. Tu te rappelles de ça? On avait pas téléphoné, coquillage toi, nous. Coquillage Henri. Ils sont là, coquillage. Alors attendez. Parce que là. Cave de la Figone. Chez Blaise. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Bon, alors je sais pas. On a perdu Chériri. Ah putain, ça se trouve, il a fait faillite à cause de nous. Putain. Oh, faudrait qu'on appelle le truc qui organise les fêtes là. Cusco, comment on ouvre? Je fais toujours une fête 7. Non. Vous nous avez pas livré. Ah ouais, le faux plan. On fait un mariage. Un mariage et on invente une religion. Oh, on l'avait déjà fait. Hein. Non, nous on avait fait les fêtes celtes. Ben voilà, ça, on a inventé une religion. Non, mais là, non, c'était pas une religion. C'est une religion. Organisation fête, tu veux? Ouais. Ouais, et on fait genre. Oui, parce qu'en fait, il faut que la mariée perde sa virginité devant les autres. DJ Lionel. DJ Lionel. Il était dans quelle ville lui? Je sais pas. DJ Lionel, ils vont le trouver directement, c'est obligé. Vous vous rappelez de DJ Lionel? Tiens, passe-moi ta copine. Bonjour, je suis DJ. Je suis DJ. Préciser une localité, un département, une région. France. Putain, je me rappelle plus quelle ville c'était, je crois que c'était Paris, ou c'était Lyon. Ou peut-être Nîmes. Ou peut-être Lyon. Bon allez, oh. Non, c'était Lyon ou Marseille. Ouais, c'était Lyon, moi je dis. Bah, d'accord. Allez. Bon, espace sans lumière, on les avait appelés. Là. Franck Sono, on l'avait appelé. Franck Sono, on l'avait appelé. Je crois. Ouais. Animagique, Infovision, on avait appelé tout ça. Production. Merde, ma carte SIM. Ah oh, putain. Et puis on n'a jamais trouvé personne pour m'aider pour les exercices de maths, quand même. Ouais, quelle bande de bâtards, ces gens. Putain. Bon. On appelle une organisation de fête. Rien, c'est d'organiser un gros truc de fou. Ok. Un gros truc de fou, mais on fait genre... Non, genre l'anniversaire de notre père qui a 70 ans et on voudrait le projeter en parachute. Ouais, Mazel Tov. Non, pourquoi juif? Quel con. Putain. Allez, c'est parti. Putain. Et pour ça, chat. Tu veux que je le fasse, moi? Non, non, je le fais avec toi. Hein. Ouais, voilà. Deux, deux frères, parce que Logan... juste pour rire. Rigole. On vient, on appelle juste pour rire, voilà. Mais non, c'est nul. Mais voilà, c'est ça, ça se trouve, il dit, vous êtes marrant, vous voulez pas passer et tout, on fait un casting. Spectacle d'Edgar. Non, c'est quoi ça? Edgar. C'est dans quoi ça? Entrepreneur et producteur de spectacle. Producteur? Oui. Oh, génial, on va se faire produire un spectacle, les amis. Allez, c'est parti. On aimerait montrer le cinéma pour adulte au grand public. Allez, c'est parti. Tu veux faire ça? Ouais. Non, viens, je trouve un truc de fou. Ouais, mais moi... Genre, je... voilà, bonjour, on tue des chevaux. Quoi? Tout près tout. En on fait, genre, fait genre, on tue des animaux. Les fonds. Non, ça va pas être possible. Pourquoi? Pourtant, on fait ressortir les bananes. Et après, on les bouffe. C'est trop bon. Et on aime le, et on aime le rock. Et là, on fait. On et met on... la grosse musique de rock. Non, ça, je connais pas de chien. Chez M6. Tu sais, tu tapes Marilyn Manson et puis c'est bon. Hein. Ouais, non, mais. Alors, écoutez-moi bien, les auditeurs. Ce qu'on va faire. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? T'es nul toi. On va s'écouter une musique Silo Green. On se retrouve juste après ça avec des numéros qui marchent. Voilà, et on va bien mijoter pendant la musique. Ciao. Ciao. Getting wild, get them bottles popping. We get that dripping, that drop out. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up. Like a G6, now I'm feeling so fly, like a G6. 808 bump, make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. De retour juste après Silo Green. He's back after Silo Green. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, mais j'ai pas compris en fait, j'ai pas suivi ce que tu disais. Ouais, mais j'ai dit, je nous ai fait un mix avec l'anglais. Voilà. Et le français. Ouais. Alors. Non, en fait, ça marche. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? Spectacle d'Edgar. Allez, Darius. Nous allons appeler le spectacle d'Edgar. Donc qui voilà produit... ce qui se passe, mon ami et moi. Satan. Ouais. On fait des spectacles de Satan et on tue des animaux. Voilà. Tu veux faire ça? Ouais. Il va dire bougez pas, j'appelle la police. Au revoir, monsieur. Vous allez peut-être que là, comme ça, quand on vous l'explique, vous avez pas compris, mais pousse-toi. Ouais, vous voilà. On leur laisse découvrir, voilà. Oh putain, les winners. Oh, eux, c'est des winners. Putain, on va tomber chez le plus ma chère, là. Allô. Allô. Oui, voilà, vous produisez des spectacles, c'est ça? T'as vu? Oui, nous sommes un théâtre, oui. Ah, c'est bien. Ah, merci. T'as parce que nous, et vous prenez sur quoi, en il faut, fait? Il faut nous prendre, nous, on fait des super trucs, hein. T'as vu? Pardon? T'as vu? On fait des super trucs, t'as vu? Oui, alors là, je suis désolée, je suis en caisse, donc je peux pas vous parler longtemps, il faudrait rappeler un autre moment. Merde, merci. T'as vu? Mais quand? On fait des spectacles, madame. Oh, monsieur, oui, bah vous rappelez dans une heure ou deux. Vous connaissez mais, une heure mais, ou deux. Mais dans une heure ou deux, moi, je suis vous êtes à la touché. Caisse. Vous êtes à la caisse, t'as vu. N'importe allô quoi. Allô. T'as vu. Allô. T'as vu. Eh, la madame. T'as vu. Elle est à la caisse, t'as vu. Elle raccroche, là, t'as vu. Allô. Je vais jeter des maléfices de Satan sur toi. Voilà, c'est ça. Quel bâtard. On a attendu bon, 3 quarts d'heure, on s'est tapé Mozart pendant 3 quarts d'heure et elle nous raccroche au nez. Ouais. Pétasse. N'appelez pas. Appelle ça. C'est ouais. Un mobile, on sent. Non, c'est un mobile, c'est plus cher. Non, c'est pareil. Staff, non, je sens pas. Studio K. On appelle Studio K. Studio K. K. Studio K. Viens, on fait genre Studio K, ça va. Oui, soumis, je fais caca. Soumis, Florian. Florian, t'es soumis. T'as vu. Oh, on avait qu'à faire. T'as vu. Ouais, ouais, bien plaisir, bien plaisir. Bien, t'as vu, quoi. GS 30. Enfin, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Zéro. C'est un portable, hein, ça me coûte plus cher, les portables. Mais non, c'est pareil. C'est pareil. C'est quoi si t'appelles d'un fixe sur un portable que c'est plus allez, cher. Allez, je suis... Bon, toi, tu fais ou tu fais pas? Studio Massimo. Bah moi, je fais un sauvetage. Ouais, voilà. Sauvetage. Si vous rigolez, je fais quoi? Ouais. Parce que là, c'est marrant. T'as mis le haut-parleur? Ouais, ouais. Oula. Non, t'inquiète, c'est normal. Ça va nous exploser la gueule, là, non? Arrête de tripoter l'écran. Après, ils les entendent, les gens. T'attends. Comme quand tu manges du... Oh, putain. Il en a du souffle, le mec. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Florian Soumis, je ne suis pas là pour l'instant. Florian, t'es soumis hein. C'est Florian Soumis, c'est pas Florian Soumis. Allez, on appelle Studio K. Non, il fait exprès de dire Soumis, t'as pas compris toi. C'est comme le mec qui s'appelle Connard et qu'ils ont dit Conan. Je m'appelle Connor. Non, ça se dit Conrad. Voilà. Après, il s'est rattrapé, nous on dit ah, t'es un connard. Il fait non, pas du tout. Genre. Allez, on appelle. Là, on appelle Studio K. Allô. Putain, il y a du souffle, hein. Ouais. De temps en temps, quoi, c'est ça. Studio K. Studio K. C'est comme ça le jingle. Ouais, on arrive, viens, on dit, on veut, quoi, on veut leur faire un jingle. Ouais. Et on fait, vous êtes prêts? Il faut taper. Connecté à la boîte vocale de Studio K. Veuillez enregistrer votre message après. Faut taper, va, tape organisation de fête. Bof. Organisation. Ah ouais, bon bah tape autre chose. Non mais, non, mais tu fais dans une autre ville. Tu fais dans une autre ville. Pas Paris, c'est le mieux Paris. Enfin, c'est pas le mieux, mais voilà. Ah, animation voilà. Artistique. Ouais. On dit. Viens là, on demande si on peut leur faire leur jingle. Mmh, ouais. Mon ami, moi, DJ Faudel. Non, moi c'est DJ Pépito. Si tu veux. Fais les boules. Fais les boules. On l'avait déjà appelé, je crois. Oh, le truc. Allez, on va appeler. Comment s'appelle la boîte? Que la fête commence. Tu sais, nul. Où ça? Ah ouais, oh putain. Alors, que la fête commence. En plus, je décroche, ils font que la fête commence, bonjour. Comme ils te disent, c'est pas trop. Ouais. Que la fête commence, bonjour. Oh, attends, ils sont. Mais que la fête commence. Allez. Enfin, le mec, il est crevé le soir. On appelle. Que la fête commence, bonjour. Allô, je peux parler à Philippe? Oh putain, aussi c'est débile. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Ça va, je crois que t'as les zombies qui t'appellent à toi. Fais les boules. Ah, ils ont volé les jingles à France 3 Région. Bande de bâtards. Bonjour, bienvenue à l'agence Philippe. Nous sommes actuellement en ligne au boisson. Bah, tu prends mon appel. Laissez un message, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Fais les boules. J'ai les boules. J'ai les boules, fais les boules. Ah putain. Que du bonheur. Que la fête... Bon allez. Moi, ce que je propose pour les derniers du dernier. Oh, Atchoum. On se prendra. Hein. Au 7 merveilles, on l'avait fait aussi. Je propose que pour le dernier. Cap la cycla. On fait ça. Ouais, cap c'est un truc de russe. Pour le dernier, cap je propose. Cycla, bonjour, les gars. Qu'on s'appelle un dernier sex shop. Parce que c'est les inoubliables. Ça va, d'accord. En plus, j'arrive trop à tenir maintenant. J'arriverai trop voilà. À dire. Vous avez le méga 3000 ouais. Personnes. Le super. Super Anal 4. Non, bleu avec non, faut trouver My Pingu. Voilà. On cherche non, un. Non, Super Anal 4 bleu avec des flammes oranges dessus. Ok. Mais on l'a déjà appelé, non? Triple P. Un petit plaisantin. Non, c'est ouais. Pas lui qui avait dit ça? Je sais plus. Projection X. En tout cas, ça, on l'avait appelé Projection ouais, X. C'est lui qui dit on a des trucs à mal. Ah ouais, viens. Ouais, je les appelle. C'est lui qui avait dit ton numéro s'affiche. Hein. Ah ouais, c'est lui qui nous avait menacé et tout. Non, c'était sur Marseille qui nous avait menacé. Ouais, il nous avait menacé. Oh. Je me jetais des œufs. Ah, oh putain, je me rappelle de ça. Ton portable il est éteint. Qu'est-ce que j'ai fait mon téléphone. Je suis en train de couper pas lui. Non, Michel non. Et Marc. Si tu veux. C'est mon Marc. C'est moi Michel. Allô. Oui, bonjour. Projection X. Oui, bonjour, Projection X. Oui. Oui, voilà, je suis Marc, et voici Michel. Bonjour, je suis voilà. Le compagnon de Marc. Donc, on voulait savoir si vous avez reçu le Super Anal 4. Non. Bleu avec des flammes oranges dessus. Je viens d'entrer mal, merci, bon temps. Bleu avec des flammes oranges dessus. Avec des flammes oranges. Fils de pute. Je crois qu'il n'a pas raccroché. Ça y est, c'est chose faite. FJP Distrib. Activité Sex Shop. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. On est trop des cons. Pourquoi? Oh putain, ils sont pas loin l'un de l'autre, regarde. Ils doivent se tirer la bourre. Ils doivent se lancer des godes. Dans les yeux. Bataille. Combat de god. J'ai une ceinture. Ah, vrai qu'il répond, oh, un stupo géant. Oui. Oui, bonjour, je suis Marc et voici Michel. Bonjour, je suis Michel. Bon, vous voulez savoir si vous avez reçu le Super Anal 4. Bleu avec des flammes oranges dessus. Allô. Oh, le mec, il a même pas cherché à nous écouter, bâtard. Mais on le rappelle. On le rappelle. Ouais, ouais, on le rappelle. Tu m'as raccroché au nez. Michel, mon nez a mal. J'ai mal au nez. Mais là, c'est la blague bien pourrie, il va dire c'est nul. Et nous, on va taper dans le monde. Allô, j'ai mal au nez. Non, non, laisse-moi. Ok, tu vas parler, c'est ce que je veux dire. Ça t'en répond, connard. Oui, dans le coma, la sonnerie. Pourquoi? Oh, il va pas. Bonjour. Bienvenue sur la messagerie. Vas-y, on lui laisse un message. Non, trop. Non, putain, j'allais dire. Pourquoi tu me raccroches au nez? J'ai dévasé, je suis un gros blague. Vas-y. Bon, allez. Il est minuit. Il faut conclure cette émission. Mais non, pas encore. Mon. Bon, c'est d'ailleurs. Patrick. Mais voilà, hop. Mais. Je crois que parce que t'as mis un espace, et ben, article et librairie érotique, non? Ouais. On aura plus de chance de tomber dessus, là. Regarde. On va tomber dessus. Il va avoir mal. Démonia, ouais. Non. Si, si, si. Félin. La boutique érotique fétichiste. Librairie de cuir et latex. Oh putain. Oh putain, je suis en train de faire le téléphone. Vente par correspondance. Eh ben, bonjour, voilà. J'aimerais les amener chez Monsieur Thalès. Viens, on les vend. C'est Raymond Thalès. Non, ouais, ça faisait pas comme ça, c'était Salba. Non, Raymond Thalès. À Marseille, il était Raymond Thalès. Par contre, je sais pas où il est. T'inquiète, t'inquiète. Viens, on commande un gros god et on l'envoie à ouais. On connaît pas du tout. Attends, attends, attends. Je prends le numéro, putain. Ah, vas-y, attends. Attends. 014. C'est bon. J'ai le numéro. Alors voilà, on va l'envoyer à... On va l'envoyer à Bernard, un mec qui s'appelle Bernard. Ouais. Il est mignon qui s'appelle Bernard. Bertrand. Bertrand. Mais non, c'est un nom de famille, bon, je te parle. Bon, ben. À Paris. Il y a leur adresse dessus. Ouais, il y a leur adresse. À Marseille. Ouais, ouais. J'ai pas commandé ça moi, hein. J'imagine, il y a sa femme et tout, elle va dire. Mais pourquoi t'as commandé ça? Mais non, c'est un célibataire de 40 ans. T'es sûr? T'as marqué célibataire de 40 ans. Ah, ben voilà. Mec s'appelle Bernard. 8 rue. Voilà, note, s'il te plaît, tu peux noter. Non, c'est bon, on lui dit l'adresse et elle est sous nos yeux. Ouais. Allez, vas-y, j'appelle. Il faut qu'il y en ait qu'un seul qui parle. C'est moi. Faut pas se chier. Hein. Comme bah tu si j'ai qu'à te rêver, tu reprends dans les mais notes. Non, parce qu'on va le voir. Téléphone. Je prends lui, là. Ouais, mais non, mais tu copies pas. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelais pour commander les derniers... God, pardon. Je voulais savoir ce que vous aviez comme God, en fait. Voilà. Mais va faire se domiser par un macaque. Mais... Quoi? Pourquoi il m'a raccroché au nez, ce con? Mais c'est clair. Viens, on le rappelle. Non, mais parce que là, on appelle librairie, moi, chic. Mais non, article. Là, il y a écrit article. Oui, article. Article, c'est des magazines. Vente. T'inquiète, je suis informé. Mais non, regarde, vêtements érotiques. Accessoires, vêtements. Il a dû comprendre que j'avais pas 18 ans, quoi. Il a dû entendre. Édition Concorde, on l'avait appelé. On l'avait appelé, et ben on le rappelle. On l'a fait. Ça avait marché ou pas? Je m'en rappelle pas. Ouais. Si on l'avait appelé, c'est que ça avait marché. Parce qu'on est des winners. On appelle lequel? Du coup, c'est pour affreux, là. Oui. Arrête de mettre le doigt sur l'écran. Excuse. Piatch. Ça va jouer article pour adult. Oui. Allô? Oh. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, article Concorde. Non, édition. Monsieur. Oui, bonjour, édition Concorde. Oui, tout à fait. Oui, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez effectivement comme jouet. Comment? Jouet. Bah, il faut regarder sur le site www.concorde.fr. Non, mais vous pouvez pas me le dire au téléphone comme ça? Non, non, je veux pas au téléphone. Non. Ça vous plaît pas au téléphone? Non, non, il faut. Vous aimez pas faire ça par téléphone? Regardez sur le site. Ok. Vous aimez pas faire ça par téléphone? Non, il faut regarder sur le site, monsieur, www.concorde.fr. Ah, bah j'y vais là sur le site, bougez pas. Attention, je suis sur Google. www.concorde.fr. J'y suis, monsieur, sur le site. Vous raccrochez pas, hein. Monsieur. Oui, je vous écoute, monsieur. D'accord. Du monde en même temps. C'est ah, bah oui, effectivement, oui, c'est normal. Donc, si vous avez quelque chose à me demander, c'est... Voilà, je voudrais le... Ah, ça a l'air pas mal, ça. Le code flexible. Monsieur ? Ouais, j'ai repris parce que mon compagnon est... Désolé, il est un peu ému. Est-ce que vous auriez le vibromasseur canard de voyage ? Tout à fait. Et il fait à peu près quelle taille en... Enfin, en taille réelle, ouais. Centimètres, ouais. Une dizaine de centimètres. D'accord, bah je vais le prendre alors. Pardon ? Je vais le prendre, vous livrez ou pas ? Je vous entends très mal. Vous livrez, monsieur, ou pas ? Pas du tout, monsieur. Ah, il faut venir le chercher ? Oui, vous les commandez par internet. Ah ben voilà, je vais... Ok, et vous, on voilà. Peut pas vous les commander par téléphone ? Je m'appelle monsieur. Parce qu'en Bernard. Fait, il y a plusieurs articles qui nous plaisent. Mais nous, on est plus vibro que God, en fait, si vous voulez. Et on voulait savoir s'il y avait quelque chose, parce qu'il y a ma sœur aussi, triple pénétration, en fait, parce qu'elle m'en avait parlé. Il y avait pénétration anale, pénétration... Ce que vous faites, vous regardez sur le site, et après vous me rappelez. D'accord ? Si vous voyez quelque chose, vous me dites... D'accord, très bien. Mon Dieu, voilà. Quelle horreur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce site ? Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ce site ? On a fait exprès, là. Ben évidemment qu'on a fait exprès. Putain, y'a un truc, y'a vibro, c'est une bouteille de vin. C'est qui, vibromasseur Château Blanc ? Est-ce que vous auriez le canard voyageur ? Là, t'appelles, tu fais genre, t'es sous la couette, tu fais... Allô, vous savez, le machin et tout. Moi, je fais... Mais qu'est-ce que c'est que ce site, Jean-Marc ? Regarde, mais comment tu fais pour te rentrer un canard ? Mais c'est bon, tu vois pas les... Enfin, c'est dégueulasse. Non, c'est où ? C'est bon. Comment tu fais ? Non, ça m'intéresse. Passage du désir. En fait, ça, genre, et moi, je fais... Mais qu'est-ce que c'est que ce site, Jean-Marc ? Je fais genre... Et madame, vous vendez des objets à des mineurs ? Et tout comme ça. Et je l'engueule. Ouais, mais tu ne m'appelles pas Jean-Marc. Parce que Jean-Marc, on est pas du tout. Ouais, d'enfant. Mais pas du tout. Jean-Marc ! Quoi ? Tu ne dis pas que Jésus te regarde là-haut ? Ouais, Antoine. Alors voilà. Antoine. On va faire... Bon. Ah, passage du désir. Ouais, Antoine. Ça fait enfant, Antoine. Allô ? Allô, c'est Antoine. Non, mais fais genre, tu es... Allô, c'est toi, nous ? Ouais. Voilà, quoi, enfin... Oh, Abdoula. Si vous aussi, vous m'avez entendu à l'antenne, faites comme moi. Allez, rotez tous ensemble, comme ça, on va faire un gros bruit, comme ça. Ouais, c'est bon, là. Bon, allez. C'est moi qui parle. Non, moi, je me mets en place, je me mets dans le rôle. Passage du désir. Donc, Charles va me surprendre. Darius va me surprendre. Si je réponds pas, je me suis tapé. Mais non, t'inquiète. Si il répond pas, il y a souvenir sexy. Mais tu rigolais vraiment, toi, tout à l'heure ? Bonjour, vous êtes bien au passage du désir, la je première... Je rigolais vraiment quand ? Quand t'es parti, là-bas. Non, je rigolais pas. Bon, allez. Justement, je suis arrivé, je dis plus. Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Bon, allez. Chamicha. Non. Chamicha. Non, non, boulevard de Clichy. Regarde, rappelle Vision Concorde, tu fais passer pour quelqu'un d'autre. Non, non, ils en ont pas tellement, tu sais, les trucs comme ça. Alors. Allez, on appelle Souvenir Sexy. Non, je m'appelle Augustin. C'est trois noms catholiques. Augustin. Allez. Bah non, Jésus. Augustin. Judas. Le mec s'appelle Judas. Oui, allô ? Oui, bonjour, Souvenir Sexy ? Oui. Je suis bien chez Souvenir. Ah oui. Ah, bonjour. Alors, en fait, c'était pour savoir, vous vendiez toutes sortes de God, en fait. Oui, on vend des God, oui. Oui. Et oui, je voulais savoir aussi, avec ma copine, les canards, en fait, comment on fait ? Enfin, je veux dire... Alors, Augustin, toujours sur l'ordinateur ? Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce site horrible ? Allô ? Vous parlez à quelqu'un d'autre, alors... Mais mon fils est en train de vous appeler, vous parlez à un mineur, là, monsieur. Bah, je m'en fous de... Ah, vous en foutez, voilà, vous vendez des objets à un mineur, vous vous en foutez. Allez. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, voilà, allez, quel connard. Connasse. Oh, le mec, il est pas raccroché. Voilà, je viens de raccrocher. Mais en fait, le combiné, il est à 300 mètres du téléphone, alors ouais. Il faut qu'il mette le temps. Entendu, j'ai entendu. Connard. Connard, connasse. Putain, le mec. Voilà, ouais. On espère que vous avez passé un bon moment. Hein. Ouais, voilà, pardon, excusez-moi. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Cette dernière émission, c'était la toute dernière. Si ça vous plaît. Et ben c'est bien. Voilà. Pensez à Laurent Thalès et l'homme qui vend des objets oui. Bizarres. Allô Laurent, je t'ai reconnu Laurent. Et oui. Allez voilà. Et la phrase du jour, la citation c'est: soyez très généreux avec vous-même. Voilà, c'était la dernière phrase de Cusco. Ça va. Et le dernier mot, le tout dernier mot, ce sera... Adieu. Stylo. Pingouin. Adieu, c'est bien aussi, adieu. Ouais. Allez, on espère que vous avez passé 3 bonnes émissions avec nous. Voilà. On a donné notre maximum. On a appelé que les collectors. Ouais. Et voilà, et on peut-être un best-of. On a voilà. réussi à tirer un maximal de collectors. On sortira sûrement un best-of d'ici fin janvier. Nous serons à l'Olympia le 24. Bon allez, c'est temps de fermer cette émission. Logan, un dernier truc à dire. Allez, bonne émission, bonne voilà. soirée. Bonne journée. Si vous avez commencé la journée, si vous écoutez la matinée avant d'aller au lycée, bonne cours. Travaillez bonne bien, cours. Bien. Yes, you France. Bon, allez, bon. Au revoir. De nous avoir écoutés. Tell me your secrets. Ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. To the such a